la vie de croisière d'assemblage requis. On célèbre le retour de notre ami Marie-Pierre Laforce-Bourret à l'animation et on geek nos vies avec le scoot des internets et la chronique Cynix. Tout de suite, à assemblage requis. Bonjour et bienvenue à la vie de croisière d'Assemblage Requis, votre émission estivale en pièces attachées. On est en direct du SS Requis en ce jeudi 11 août 2011. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est Marie-Pierre Laforce-Bourret. Yay, Crécelle, les petits chapeaux! Marie-Pierre est de retour. Marie-Pierre, ça fait un mois qu'on t'a pas vu. À peu près, à peu près ça. Ça a été difficile de vivre sans toi. Oh, mais je suis de retour, Mathieu, jusqu'à la fin de l'été. Jusqu'à la fin des temps, t'as dit jusqu'à la fin de l'été. Moi, j'ai entendu de l'étang. Ah, ben là. De l'étang. Ah, ben ça se tient, ça aussi. On pourrait faire l'émission sur un étang la session prochaine. C'est plus ennuyeux. Un étang. Un petit peu. Et je sais pas quel petit fond on pourrait mettre parce qu'il avait demandé des wawarons, des trucs comme ça. C'est pas aussi beau à la radio que des petits goélands. Non. Ah. Donc, aujourd'hui à l'émission, Marie-Pierre, vu que t'es de retour, on va te laisser commencer. Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? T'as fait plein de choses pendant tes vacances? Oui, j'ai fait plein de choses. J'en ai profité pour aller dehors, pour faire des activités, pour aller voir des spectacles de musique. Ooh. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'une activité de kayak que j'ai faite dans Charlevoix. Également des spectacles Patrick Watson, Timber, essayer de faire découvrir des petites choses, là, et je vais vous faire une chronique de livre. Oh, une chronique livre, t'as lu pendant tes vacances? Oui, j'ai eu le temps de lire. Caroline, moi j'ai tout fait sauf tout ce que tu dis, là, finalement. J'ai comme rien fait de tout ça. Au moins, t'as été reposée. Je suis paresseux, ça n'a même pas d'allure d'être paresseux de même. En tout cas, on parlera de ma paresse une autre fois, j'ai tellement de... Je pourrais me coucher sur un petit divan et te parler de mes problèmes. Il n'y a pas de place dans le studio, Mathieu. Non, c'est ça, il n'y a pas de place pour un divan. À peine la place pour mettre du monde dedans dans ce studio-là, mais bon. Aussi, à l'émission d'aujourd'hui, on a Simon Fédivé qui va venir nous présenter sa chronique Le Scoop des internets comme il fait à toutes les semaines. Et ça va être très, très geek. On sait, c'est toujours geek. On ne peut pas faire quelque chose de plus geek que ça. Sauf si ta chronique s'appelle CNX, qu'on va faire aussi une chronique CNX. Sinon, une chronique geek, mais qui n'est pas aussi nouvellistique. Nouvellistique. C'est un mot qui voudrait dire des nouvelles. L'actualité, maintenant. C'est ça. C'est donc pas l'actualité, ce que je vais faire. Bon. Qu'est-ce qu'on a aussi? On devrait avoir Stéphanie Gagné qui va nous présenter son coup de cœur de la semaine dans ton plat favori, mais on n'est pas encore certain. On va l'attendre. Tout le monde est parachuté comme ça en direct sans trop nous avertir à l'avance. Que voulez-vous? On va avoir évidemment une chronique, c'est un fait. C'est immanquable. Mm-hmm. On va apprendre des choses tellement ridicules. Et ça existe, mais ça devrait pas. On l'a. J'ai hâte de savoir ce que je pourrais m'acheter. Tout est garni. Ah, tu vas avoir une liste d'achats. C'est dont je n'ai pas besoin. T'as besoin de rien de ça, mais je suis sûr que tu peux tout acheter et avoir du plaisir quand même. En me forçant un peu. Au moins une fois chaque. Après ça, tu t'en serviras plus. Ça, dans un tiroir, un peu comme notre émission à la fin de l'été. On va la remiser dans un tiroir. Il ne nous reste pas beaucoup de semaines, c'est ce que ça veut dire. Bon. Commençons par nos nouvelles entrées. Vous savez que depuis le début de l'été, on bascule de francophone à anglophone de semaine en semaine. On écoute le top 20 franco, le top 20 anglo, le top 20 franco. Bon, donc cette semaine, c'est le top 20 anglophone. On va avoir 4 nouvelles entrées, dont Bonnyvale, City in Color et National Parks Project. Mais on commence en 20e place. En 20e place avec Mother Mother et Problems. Enfin, une nouvelle pièce de Mother Mother. J'ai l'impression que c'est la même depuis des années. T'sais. En tout cas, Mother Mother à la vie de croisière d'Assemblage Requis. Disgrace. You're a beauty, a luminary in my face. numéro 20. Nouvelle entrée. Numéro 19. C'est que c'est plus le 19 que le 20, juste pour ceux qui veulent suivre à la maison. Le 20, c'était avant. How I saw it in the spray. How I saw it on the way. Un bloc de nouvelles entrées qu'on pourrait aussi dire un bloc de contraire. Très, très différent de l'autre d'avant. Alors, on va entendre National Parks Project avec Long Time Before This en 19e position. Et en 20e position, c'était Mother Mother avec Problems. Il nous reste encore deux autres nouvelles entrées. On va les écouter à l'instant, sans perdre plus de temps. Moi, je suis très contente d'une des nouvelles entrées. Laquelle? Bon Hiver. Ah oui! On va entendre Ava Bon Hiver, City and Color avec Little Hell en 18e place. On se rappelle que City and Color, on l'a eu en entrevue ici mm-hmm. même à l'émission, plus tôt cet été. Oui. Ben oui. Et pour ceux qui étaient à Oshaga, il a aussi été à Oshaga, au festival. C'est vrai. Mm-hmm. C'est vrai. Deux bonnes places, Oshaga, même calibre que la vie de croisière d'Assemblage Requis. Je mettrais ça vraiment au même niveau oh oui. de crédibilité. Si vous voulez entendre l'entrevue, allez sur assemblagerequis.com. Donc pour l'instant, on écoute City in Color, Little Hell. Ah, hey, ça va pas bien côté technique aujourd'hui, hein, ça va pas bien. On va s'en remettre. Deux gaffes, deux blocs qui suivent. Hein. T'as honte, hein, tu voulais pas revenir. Hein. Tu peux t'en aller, c'est correct. Je vais comprendre. Oh, elle reste. Oh, elle va rester. Yay! J'arrête mon sketch. What if I can be all that you need me to be? We've got a good thing going. We have some promises to keep. But my addiction, it can be such a detriment. Please believe in this, my dear. I am more than penitent. What if everything's just the way that it will be? Could it be that I meant to cause you all this grief? My warships are lying off the coast of your delicate heart, and my aim is steady and true as it's been right from the start. From my haunted past comes a daunting task of living through memories. If we could just have a mirror Magnificent. Christmas night, clutch the light, the hell of bright. Above my brother, I'm insane and spine. We smoked the screen to make you what it was to be. Deux autres nouvelles entrées dans le palmarès anglophone, ça c'était Bon Iver avec Halsey en 17e position. Et avant d'entendre City and Color avec Little Hell en position numéro 18. Vous êtes toujours à la vie de croisière d'assemblage requis sur les ondes du 89 FM. C'est fou. Et maintenant, Marie-Pierre Laforge-Bourret, tu vas nous parler d'une petite activité que tu es allée faire pendant tes vacances du Katimavik. OK, c'est dans le coin de la Malbaie. Parce que oui, je suis allée passer des vacances dans le coin de la Malbaie un 3 jours. Et on avait décidé de... On s'est dit, bon, on pourrait aller faire du kayak, pourquoi pas. On a trouvé ça sur Internet, dans le petit guide sur la région de Charlevoix. Mm-hmm. On s'est dit, pourquoi pas. Là, on a trouvé un site qui s'appelle Katabatik. K-A-T-A-B-A-T-I-K. Donc, katabatik.ca. Et sur ce site-là, il offre plusieurs possibilités. Par exemple, il y a une possibilité d'aller faire une demi-journée de kayak, par exemple un 3h30. Donc, il explique comment ça fonctionne, les pagaies, montrer le wetsuit, parce que oui, il faut porter un wetsuit. Chic! Parce que l'eau du fleuve est très froide, ouais, et très salée. Ce que je ne... J'étais jamais allée dans ce coin-là, donc moi, je pensais que c'était comme à Trois-Rivières, ou je sais pas trop. Ouais, ben, à Trois-Rivières, en tout cas, à l'université, en ce moment, on ne peut pas boire l'eau. Non, donc, non, mais le fleuve à Trois-Rivières, bon, on s'entend, tu ne mettrais pas un doigt dedans, tu sais. Okay. Mais à Charlevoix, c'est de l'eau salée, donc uh-huh, c'est la mer, tu sais. Mais moi, dans ma tête, j'étais jamais allée, c'était pas ça, tu sais. Et on arrive là-bas pour un... On avait choisi parce qu'il y a plusieurs forfaits, OK? Bon, tu peux aller faire une demi-journée de kayak, tu peux aller faire une journée complète de kayak. Donc, tu pars en excursion, une journée complète, ils fournissent le repas. Ou sinon, il y a moyen aussi d'y aller pour des expéditions de 2, 3, 4, 5 jours avec camping, repas, tout inclus. C'est sûr que c'est un prix beaucoup plus élevé. Ouais. C'est un 5 jours d'activité qui tourne entre 300 et 700 $ selon le nombre de journées. Donc, c'est quand on a un peu plus d'argent. Mais quand on est étudiant ou quand on veut juste aller faire une activité pour dégourdir, pour avoir du plaisir pendant une journée, c'est une très bonne option parce que une demi-journée, ça peut tourner aux alentours de 80 $ avec une demi-journée de randonnée. Donc, c'est à peu près un 2 heures de randonnée, donc de randonnée pédestre, et un 2 heures et demie de kayak pour 80 $ et avec équipement fourni. Donc, okay, c'est quand même bien. C'est sûr, c'est un petit peu cher, mais pour l'expérience que c'est fantastique. C'est ça. Pour ouais, deux personnes, ça commence à être cher aussi. Quand tu comptes deux personnes. Deux personnes. Mais, je vous le dis, j'ai fait la demi-journée de randonnée et la demi-journée de kayak. On a pogné une journée qui était, bon, on va le dire, c'était plate parce qu'il pleuvait, mais ça ne nous a pas empêché d'avoir beaucoup de plaisir parce mm-hmm, que, bon, tu fais un 2 heures de randonnée, c'est une belle place pour faire de la randonnée. On arrive au bout, donc au bout de 45 minutes, une heure, on arrive à un endroit, c'est comme une longue plage avec vue sur le fleuve. Ouh. Et à marée basse. Donc, tu vois les algues qui sont toutes un peu partout, par terre. Tu vois le fleuve. Donc, c'est vraiment... c'est quelque chose à voir. C'est impressionnant quand tu n'as jamais vu la mer ou le fleuve plus gros qu'à Trois-Rivières, oui, ou à Québec. Donc, coupable. Mais c'est vraiment bien. Puis ensuite, tu fais le kayak avec un wetsuit, ce qui est très drôle. C'est très, très drôle de voir les gens avec qui t'es en wetsuit. Et tu t'imagines, toi, en wetsuit, et tu te dis, ça doit être très, très drôle. Ouais. Et bon, aussi, l'endroit, c'est qu'il y a plusieurs endroits pour en faire. Il offre, par exemple, je suis allée à la baie des Rochers. C'est une baie, donc, avec la marée basse, la marée haute. Quand on est arrivé, par exemple, c'est la marée basse. C'était le moment de faire du kayak, c'était la marée haute. Donc, tu vois le mouvement des eaux. Mais, oui, c'est ça, il y a plusieurs endroits. J'avais perdu mon fil, excusez. Il y a plusieurs endroits pour en faire à une distance d'à peu près une quarantaine de minutes chacun. Donc, ça dépend de quel forfait vous prenez, de ce que vous désirez, parce qu'il y a aussi moyen de voir des animaux de la mer. Ah. Par exemple, à l'endroit où je suis allée, à la baie des Rochers, on a vu des phoques pendant qu'on pagayait. Ah, ça devait t'exciter, ça, hein? Oui. Ah, t'es trippée, hein? J'étais comme un enfant, je criais et je pointais le phoque. Okay? Des phoques! Parce que, tu sais, habituellement, t'es voix aux eaux, donc dans un environnement qui n'est pas le leur, et là, t'arrives... sur le fleuve et tu sais jamais quand est-ce qu'il y en a un qui va sortir. Ouais. Donc, tu pagayes, puis tu cherches. Tu as l'impression d'être en mission. Là. Wow. Pour une fois qu'on peut dire ça à la radio, tu sais, sans aucune obscénité, fuck, you're fuck, puis tu pars à chaud, fuck. Ouais. Mais bon, t'es en kayak et tu cherches comme si t'étais un enfant en excursion, t'as une mission, il faut que je voie le fuck quand il va sortir de l'eau. Et si on avait pu aller plus loin, ce qu'on n'a pas pu faire à cause de la mauvaise température, on aurait peut-être pu voir des belugas ou des rocales ou quelque chose comme ça. Donc, on n'a pas eu la chance d'en voir. Mais le guide disait qu'il en voyait très souvent. Donc, s'il avait fait plus beau cette journée-là, on en aurait probablement vu, mais on a quand même vu plusieurs phoques plusieurs fois. Donc, c'est vraiment une expérience folle. Donc, je vous le recommande fortement. La compagnie, c'est Katabatik, katabatik.ca. Et c'est différents forfaits. Il y a même des forfaits hébergement. Il y a des forfaits qui semblent offrir aussi un tour en Zodiac. Donc, un tour de bateau pour aller plus loin au large, voir les baleines. Donc, c'est plusieurs activités. Allez voir le site. Je pense que c'est le meilleur moyen de tout savoir sur cette activité-là. Sûrement les syllabes les plus dures à retenir. Donc, une dernière fois. Katabatik. K-A-T-A-B-A-T-I-K. C'est vraiment dur à retenir, mais bon. Ouais. On va mettre l'adresse sur assemblagerequis.com. Oh oui, ça va aider bien les gens. Mais allez-y. Oui. C'est un petit peu cher, mais pour l'expérience, ça vaut tellement la peine. C'est à peine plus cher que d'aller à Montréal, aller voir un film en 3D IMAX et aller magasiner avant. Je dis ça comme ça. À peu près le même prix, hein? Oui, à peu près le même prix. C'est votre choix. Il y en a un qui a des phoques, l'autre que ça dépend du film s'il y a des phoques ou pas. Oui. Bon. Harry Potter, il n'y a pas très beaucoup de fuck. Hein. Non, pas tant. Donc, merci beaucoup, Marie-Pierre. Ben, de rien. Très bonne suggestion. On va retourner au palmarès anglophone. On est rendu aux positions 16 et 15. Tout à l'heure, il y aura The Megaphonic Thrift avec Talks Like a Weed King qui descend de 10 places. Mais avant ça, on écoute à la position numéro 16. C'est Enjoy Your Pumas avec la chanson Do It Every Day. Un autre animal que t'aimes beaucoup? Oh, le puma. Le puma. Puma. Puma. Hey, c'est comme Timon et Puma. Pumba. Tantôt, il va y avoir Simon Fitzbé qu'on va l'appeler. OK. Ça dit bien. On parlait du Roi Lion. On l'a même pas dit en nom. Ça n'a aucun rapport. Là, je parle par-dessus la pièce. Ça n'a aucun sens. C'est tellement pas professionnel. On va repartir. J'ai un peu de respect, là. Tu t'ennuyais de mes conneries, hein? Ah. J'en rêvais toutes les nuits. Yourself. I ask you when, still your heart has not been in sync with her. You'll ask me this. Enjoy Your Pumas avec la pièce Do It Every Day. Avant de partir en publicité, revenir après ça avec The Megaphonic Thrift, Marie-Pierre, t'as oublié quelque chose tantôt? Ben oui, je vous ai parlé de l'activité de kayak, mais j'ai oublié de vous dire que c'est jusqu'à la mi-octobre. Oh, donc vous avez le temps en masse. Oui, c'est que la mi-octobre, bon, il fait plus froid, mais les wetsuits permettent de garder au chaud. Ils sont encore plus beaux. Et bon, c'est dans la région de Charlevoix, donc il y a quand même quelque chose à voir en automne. Donc, il n'est pas trop tard, même début octobre, pour aller voir les baleines, les phoques et le fleuve. Et le fleuve. Restez là, on revient tout de suite. Rassemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Vous êtes à bord du SS Requis. Attention, requin. Numéro 15. Sérieusement, c'est la troisième fois aujourd'hui que je mets pas la bonne pièce. Là. Troisième fois. Non, deuxième fois. Là, c'est une autre gaffe. C'est pas même. Lâche pas, Mathieu. C'est ça va bien. Ça va bien. Restez là, tantôt on parle avec Stéphanie Gagné dans sa chronique Ton plat favori. Je viens tout juste d'entendre en 15e position de Megaphonic Thrift avec Thoughts Like the Wheat King. Et bon, c'était Enjoy Your Pumas avec Do It Every Day qui descend de la 7e position. Vous êtes toujours à la vie de croisière d'Assemblage Requis en compagnie de Marie-Pierre Laforge-Bourret et de moi-même Mathieu Plante. Maintenant, premier invité de la journée, invité de Marc. Hourra! Voici Stéphanie Gagné, ton plat favori. Je suis ton plat favori, laissant sur ton bistouri. Non, non, tu comprends pas. À jouer. joue la mélodie au piano en direct devant nous. Quel talent! Ah, oh, merci. Salut Stéphanie. Bonjour. Est-ce que ça va bien? Pas pire, pas pire. T'es très en forme, hein? Ah, oh, je suis super en forme, je pourrais aller courir un marathon. Oui, de 2 mètres. À peu près. Donc, Stéphanie qui est de retour après une assez longue absence. Peut-être pas. Est-ce que ça fait plus longtemps que t'étais partie, toi, que Marie-Pierre? Je suis plus sûr. Non, parce que j'étais venue la remplacer une oui. fois. Mm-hmm. Tout à fait vrai. Ça fait moins longtemps. Parfait. Donc, Stéphanie, tu nous présentes ton coup de cœur comme à chaque fois que tu viens nous voir, là, finalement? Ça ressemble à ça. C'est quoi ton coup de cœur cette semaine? Mais je voulais parler de 2 choses. Premièrement, un album que j'ai découvert dont je vais parler tout à l'heure, mais je voulais commencer par parler d'Oceaga. Mm-hmm. Bon, c'est pas tout récent, mais bon, la semaine passée, j'étais pas là, donc je pouvais pas en parler. Mais j'ai passé la fin de semaine au parc Jean Drapeau du 29 au 31 juillet. T'as fait les 3 jours, là? J'ai fait les 3 jours. Toi, tu fais pas les choses à moitié, là. Ah, juste le vendredi soir, j'étais épuisée, là, en allant me coucher. Moi, je l'ai fait à moitié. L'année passée, j'avais fait la fin de semaine au complet, puis ça m'avait mis tellement fatiguée. Puis là, les groupes que j'aimais plus, c'était le dimanche. Je me suis dit, on va y aller le dimanche, puis en profiter pour de vrai. Ah, moi, genre, j'ai assez bien utilisé mes billets, disons. Ça m'a coûté cher, mais j'ai vu combien, 20 groupes. 220 $. 222, plus exactement. Fait que c'est quand même 10 $ par groupe, oui. C'est ça? Mais c'est pas super. Ouais, mais quand c'est tu pas vois cher. Ça comme ça. 10 $ par groupe, là, j'ai vu 20 groupes dans la fin de semaine. C'est énorme. Oui. Quand que tu fais ça. Hein? Vous êtes croisés les deux, si je comprends bien. Oui, oui. Et au spectacle de Smith Western. Oui, exactement. Est-ce que c'est un de ceux que tu as aimé ou c'est ceux que tu allais mettre dans la colonne négative? Non, non, la plupart des spectacles, je les ai aimés. Il y en a qui étaient un peu plus décevants que d'autres, mais celui-là, c'était bon quand même. Je trouvais ça très drôle de voir les jeunes boire de la bière devant nous. Je me disais, ah, ils en profitent pendant qu'ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas l'âge. Ils sont tellement jeunes. Ouais. Mais c'était quand même bon. J'ai bien aimé ça. Et après ça, il y avait aussi The Pains of Being Pure at Heart qui était sur la même scène. Et je suis restée pour ce groupe-là aussi. C'était super bon. Ouais, ça, ce nom-là, d'un coup sec, on dirait que là, on se met à en entendre parler de partout. Là. Je connaissais un peu Kiwan en avait fait jouer une fois de temps en temps sur l'émission, mais là, on dirait que tout le monde a le nom The Pains of Being Pure at Heart sur le bout de la lèvre. Je sais pas, moi, je trouve ça tellement un drôle de nom de groupe. C'est long, en effet. Ouais. Ça nous pratique que le traction anglophone. Moi, j'ai découvert ça l'année passée. J'avais bien aimé. Puis le spectacle était quand même bon. Mm-hmm. Eux autres aussi étaient assez charmeurs, je trouve, sur scène. Il y avait une prestance. C'est le fun, il y avait une fille. Oui. C'est rare, tu sais. C'est souvent des groupes de gars. Il me semble que la majorité que j'ai vue, c'était des groupes de gars. Et là, une fille sur scène. Ah, pas moi. J'ai vu vendredi soir Janelle Monáe. Ah, oh, ça devait être bon. Ah, oh, j'ai adoré. Miss Émotion, là. Hein? C'est Miss Émotion. C'est celle-là qui pleure dans ses clips ou je sais pas quoi, non? Non? Ouais. Ah oui, son ouais. Le vidéo clip. Ouais. Mais ce vidéoclip là, ça aurait tellement pu être un flop, tu sais, étant donné qu'on voit juste son visage, là, mais c'est tellement pas le cas. Là, c'est... Mm-hmm. Non, moi, je l'aime bien, Janelle Monáe. Ouais. Je la trouve cool. Puis son spectacle, là, ce qui est fun, c'est que c'était pas juste quelqu'un qui présente des chansons, puis c'est tout. Non, non, c'était toute une mise en scène. Là. Même entre les chansons, la mise en scène continuait. Là. C'était vraiment, vraiment le fun. Là. Tout, c'était comme une pièce de théâtre, mais musicale. C'était vraiment, vraiment bon. Mais j'étais un peu fâchée parce que c'était Eminem qui était tout de suite après Janelle Monáe. Donc, la foule était grandement pour Eminem. Donc, le monde s'en foutait de Janelle Monáe. Ouais. Eminem, en plein milieu du spectacle, le monde se met à crier « Eminem, Eminem ». J'étais comme « Hey, vos gueules, c'est méchant ». Puis, à un moment donné, j'étais même plus à de respirer. Tout le monde se poussait pour se rapprocher de la scène de Eminem. Moi, je voulais m'en aller dans l'autre sens. Moi, je voulais juste me rapprocher de Janelle Monáe, pas de m'en aller vers Eminem, que j'ai pas vu du tout. J'étais tellement tannée que... Je suis partie, je suis même pas restée pour entendre une chanson. C'est drôle parce que ce choix-là d'inviter Eminem, c'est un peu spécial. C'est comme s'il voulait aller chercher complètement une autre tranche d'autres personnes qui viendraient pas à Oceaga pour avoir peut-être plus de subventions. Moi, c'est cette impression-là que ça m'a donné. Là. Tellement, ça... parce que ceux qui sont allés voir Eminem, là, sont pas allés voir d'autres bands durant la fin de semaine. Là. Ils voulaient voir Eminem, puis c'est tout. Le vendredi, tu payais pour Eminem. Ouais, c'est ça. Tu payais pas mal plus cher le vendredi que pour les 2 autres journées parce que c'était Eminem. Mais j'ai trouvé ça très bizarre, justement, les invités de cette année. Comme samedi soir, je peux vous dire que c'était vide à Elvis Costello, là. Pas un chat, là. On est resté 5 minutes, puis on est parti. C'était... Ah, ouais. Mais tu sais, je trouve qu'il y avait plus ou moins sa place, là. Est-ce qu'il a sorti un album récemment que tout le monde en parle, puis tout ça? Non, il y a rien. C'est comme ils ont voulu inviter une genre de légende, ça, mais Nikon, qui fonctionne pas auprès, peut-être, du public. C'est... Mm-hmm. Non, c'est ça. Vraiment pas. Et je trouvais ça un peu étrange. Dimanche soir, il y avait quand même du monde pour The Flaming Lips. C'était assez fou. Mais moi, j'ai pas vu toute la partie de Flaming Lips. J'étais allée voir Galaxy, que je voulais vraiment aller voir. Mais est-ce que tu as vu le début de Flaming Lips? Oui, j'ai vu le début. Avec les ballons. Il embarque dans un ballon gonflé, là. Okay. Il fait un peu comme un hamster, là. Okay. Il embarque dans un ballon, puis il marche sur le monde. Ouais, comme le film Bubble Boy, là. Ben voyons donc, ben oui. Ouais, pis, il est dans sa bulle, là, puis il se promène sur la foule. Incroyable. Dans sa bulle. Puis il lance des confettis, il y a des confettis partout. C'est vraiment impressionnant comme spectacle. Moi, j'ai trouvé que c'était plus une mise en scène qu'un spectacle. Ouais. Pour la musique, moi, honnêtement, The Flaming Lips, je capote pas, mais c'était vraiment plus pour toute la mise en scène qu'il y avait autour, les images qu'il y avait en arrière, les confettis, tout le kit. Il y a même une caméra au bout de son micro, donc on voit sa bouche quand il chante. Oh. Mais pas de l'intérieur, mais on voit son visage en gros sur un écran. Il y a aussi, à un moment donné, il y a des mains géantes. Okay? C'est comme des gros gants, là. Ils se mettent des mains géantes. Là. Mettons, met des mains gigantesques. Comme, mettons, 60 fois plus grosses que les miennes, là, au bout de mes mains. Puis, il pisse des lasers sur une boule disco. Il y a vraiment des lasers qui sortent de ses mains. Puis, il envoie ça sur une boule disco, puis il bouge ses mains, puis ça envoie des lasers partout. C'est dommage. Ouais, c'est vraiment fou. J'ai manqué quelque chose. Oui, t'as manqué ça, Mathieu. Ouais. À part de ça, quel autre groupe que j'ai vu? Samedi, j'ai vu Death From Above 1979. Je me suis pas trop approchée parce que la foule était un peu en délire. Là. C'était un peu trash, puis moi, trash, non, pas tant. À part de ça, il y avait Carquois. Ça, c'est un classique. On était en avant. C'était vraiment, vraiment bon, évidemment. Et j'ai manqué Tokyo Police Club. Oh. Fallait que je fasse un choix. T'sais. Tu les avais déjà vus, c'est ça? Oui, c'est ça. Récemment. Voilà, à la plage, j'étais allée voir Mother. Ooh. C'était vraiment, vraiment, vraiment bon. Mm-hmm. J'étais vraiment dedans, là. C'était très cool. C'était pareil comme l'album. Là. C'était aussi bon que l'album. Des fois, on dit pareil comme l'album, c'est pas une bonne affaire, mais dans ce cas-ci, tu trouves que c'était une bonne chose. Oui, c'était une bonne chose. Très bonne chose. J'ai adoré. À quel spectacle t'as pogné ton rhume? Non, je pense que c'est depuis avant hier. Oh non, il faisait tellement chaud à Chaga, tu peux pas avoir pogné le rhume là-bas. Ah, impossible. Ben, quoique dimanche, je me suis fait arroser de la tête aux pieds. Parce que j'étais comme trop proche quand c'était Beyrouth. J'étais trop proche, puis j'étais juste en dessous de... Il y a comme une grosse hose. Puis à peu près une fois ou deux par spectacle, par artiste, il envoie de l'eau à jet assez intense. Pour rafraîchir le monde, parce que l'année passée, il faisait tellement chaud. Je suis certaine qu'il y a des gens qui doivent avoir tombé sans connaissance qui ne voulaient pas que ça arrive cette année. Mm-hmm. Mais je te comprends d'être fait arroser. Moi, j'étais assez loin. J'étais comme, ah, OK, on est assez loin pour ne pas se faire arroser. Non, j'ai eu la fin du jet. Tu sais, comme le dernier gros jet. C'est la meilleure partie du jet. Okay. Moi, j'étais en avant. Fait que tout ce qu'il y avait en arrière, ben, je le recevais aussi. Donc, j'étais tremble de la tête aux pieds. Après ça, il faisait un petit peu froid. Là. Mais... c'était pas super, c'était le fun quand même. J'étais contente que justement il envoie de l'eau parce qu'il faisait vraiment chaud, là. Coup de soleil, toute l'équipe. Mais c'était le fun. Je suis contente, on a été vraiment chanceux, là. Pas de pluie. Là. Vendredi soir, il y en a eu un petit peu. Il y annonçait des orages, ça aurait été dommage. Même pas assez pour que tu mettes ton imperméable. Je l'avais apporté. Ou ton wetsuit. Ouais. Que, finalement, on a été vraiment chanceux pour la température. Dimanche, j'ai vu Death Cab for Cutie, j'ai vu City and Color. Grosse déception, Cillian Color. Pas à cause de lui, mais il avait pris un retard d'à peu près 15 minutes sur la scène. Ça a défait ton planning pour les spectacles d'après, c'est ça? Est-ce que ça a défait ton planning de. Non, c'est pas ça. C'est qu'il voulait, dans le fond, retourner à la bonne heure. Fait qu'ils ont coupé sur Cillian Color. Fait qu'ils ont enlevé 15 minutes. Fait qu'il a joué 5 chansons. 30 minutes. Donc, les spectacles, c'est à peu près entre 50 et 40 minutes. Donc, s'ils jouaient un 45 minutes puis ils ont coupé un 15 minutes, c'est pas long, une demi-heure. C'est pas juste ça du tout. Ouais. Fait qu'il a joué 5 chansons, une seule chanson du premier album, qui est mon album préféré, beaucoup de chansons du dernier album. Fait que j'étais un peu déçue parce que j'avais vraiment hâte de revoir Cillian Color. Je l'avais juste vu une fois, puis c'était en première partie de Tegan and Sarah. Donc, il avait pas fait beaucoup de chansons. Là, je me dis, ah, yeah, je vais entendre plein de chansons de Cillian Color, mais non, j'en ai entendu à peine. J'étais vraiment déçue. À part de ça, j'ai vu Malajube qui ont joué ma chanson préférée. Puis d'habitude, ils la jouent pas, la monogamie. J'étais vraiment, vraiment contente. Mais on dirait, tu comme, ils ont sorti un dernier CD récemment, bon, qu'on la joue assez fou. Mm-hmm. Mais moi, je l'ai pas tant écouté. Puis dans ma tête, c'est comme s'ils allaient jouer le CD d'avant. Moi aussi, puis je suis arrivée là-bas, ils se sont mis à jouer le CD, le nouveau. J'étais comme, ah, c'est vrai, ils ont sorti le nouveau CD. Puis ça, pas que ça m'a déçue, j'ai trouvé ça bon. Mais on dirait le dernier CD, il est moins, il est peut-être un peu moins bon que les autres d'avant. Ou moi, je l'aime peut-être un peu moins. Je suis d'accord. Donc le spectacle était bon, Mais j'aurais aimé ça qu'ils jouent des chansons de leur autre CD d'avant puis les autres avant. Mais... Moi, mon rêve, c'est qu'un jour, Malajube fasse un spectacle avec seulement des pièces du premier et du deuxième album. Oui. Ou juste du premier album, au pire. C'est plus des chansons de party pendant que là, t'es comme, tu fais juste bouger la tête un petit peu. Là, mais comme la sur le fond qui est en arrière de nous ici, c'est du Malajube en passant. Ouais. C'est une de leurs pièces plus ambiantes, disons. Oui, c'est ça. Fait que ça se danse un petit peu moins. Ouais. Mais quand même, j'ai vraiment adoré Malajube vu qu'ils ont joué la monogamie. Moi, j'étais toute énervée. Est-ce qu'ils ont joué ton plat favori? Non, ils n'ont pas joué ton plat favori. Ils la font jamais. Non, dommage. Non. Oui, et aussi, bon, Paint the Being Pure at Heart, qu'on a parlé tantôt, Smith Western, j'ai vu Galaxy, énergie complètement folle sur scène, complètement déchaînée, c'était vraiment bon. J'ai aussi vu Anne Horse. Anne Horse, que j'ai fait jouer assez souvent, mais que personne connaît, en fait. Exact. Je crois que j'ai vu quelques chansons d'Anne Horse, la fin du spectacle. Mais moi, j'aime beaucoup Anne Horse, mais ils n'ont pas joué leurs meilleures chansons. Puis même à ça, le monde a l'air d'avoir trippé. Fait que j'étais contente. Tant mieux. Et finalement, le groupe que j'ai préféré, qui a été mon coup de cœur de toute la fin de semaine, Beirut, j'ai complètement capoté. Puis là, je me suis dit, comment j'ai fait pour vivre aussi longtemps sans voir Beirut dans ma vie? C'est dramatique, ça. Mais sais-tu quoi, Steph? J'étais allée le voir à Québec pendant le Festival d'été de Québec il y a deux étés avec une de mes amies. J'avais fini la job plus tôt. Je m'étais dit, je vais monter parce que c'était un coup de cœur, je l'adorais. Je me suis dit, je peux pas manquer ça, il vient au Québec. Donc, je me tape un 2h30, 3h de route. J'arrive là-bas, je m'en vais me mettre dans le fil d'attente. Et là, il y avait trop de monde, ça rentrait plus. Donc, le monsieur, il me disait, non, vous pourrez pas rentrer, je suis désolée, retournez-vous-en. Restez pas, ça sert à rien, il y aura pas de place. Moi, j'étais comme, non. Je viens de me claquer 3h de route, il n'y a pas question que je m'en aille. Et finalement, on avait vu la moitié du spectacle. Fait que là, quand j'ai su qu'il allait à Oshaga, je capotais. Là. Fait que je comprends que t'as aimé ça parce que c'était vraiment bon. Mais le pire, c'est que après ça, quand j'étais sur mon trip Beirut en revenant de Chaga, je check sur YouTube, je vois une vidéo de la blogothèque de Beirut. Puis là, je clique sur vidéo. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, j'ai déjà vu cette vidéo-là. Puis là, je savais tout ce qui allait se passer. Fait que je me suis rendu compte que j'avais déjà vu cette vidéo-là, mais que j'avais été trop lâche pour downloader du Beirut ou aller en acheter ou peu importe. Tu le regrettais, là. Oui, tellement, là. Puis là, cette semaine, je m'en allais acheter le... Pas le nouvel album, mais le dernier. Flying Club... Non, c'est ouais. March of Flying the Club Cup. Oui, Flying Club Cup. Celui-là. C'est ça. Il est vraiment bon, celui-là. Pas disponible. Faut que je le commande. Hey, j'ai une idée, les filles. On l'écoute. On devrait en écouter un peu. Oui. Ben, oui. Pourquoi pas la pièce suggère Nantes? Comment c'est ça? Nantes. Bon. Nantes. D'accord. À la vie de croisière d'assemblage requis, c'est ton plat favori avec Stéphanie Gagné. It's been a long time, now since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll gamble away my time, and in a Si t'es encore capable de parler, oui. Ouais, je vais essayer. J'ai oublié de tousser pendant la chanson. Vas-y, vas-y. Ça paraîtra pas, je vais fermer ton micro. Ah. Je savais tellement que t'allais pas le fermer. Ben c'était oui. sûr. Prévisible pas mal, hein? Exactement. Ben oui. Bref, c'était Beyrouth. Super, ça. Avec très bon. Nantes. Mais savais-tu que cet album-là, l'album sur lequel cette chanson-là est... Flying lui, Club Cup. Oui, il est allé en France. Chaque chanson est une ville. Oui, puis il y a des extraits aussi, des extraits de films français au début des chansons. Ouais, on en a entendu pendant la chanson. Ça me fait penser à Malajube, que j'ai su que pour le deuxième album, chaque chanson était une maladie. Oh. Ah! Je savais pas. Je vais voir ça. Eh ben. Bref. Donc, là, ça sera pas trop long parce que je connais pas du tout le groupe. C'est un album que j'ai acheté comme ça sur un coup de tête. On m'a dit « Ah, c'est super joyeux, tu vas aimer ça. » Je l'ai acheté. Finalement, c'est super joyeux et j'aime ça. C'est Givers et l'album In Light. Il y a une fille, trois gars dans le groupe. Donc, on entend un gars et une fille chanter en même temps, ce que j'aime la plupart du temps. C'est super joyeux. Ça sonne un peu comme du Vampire Weekend, mais sage. Un peu plus tranquille. Avec une fille, pas aussi fou, là. OK. Oui, avec une fille. J'ai vraiment aimé. Donc, on entend la première pièce de l'album In Light. C'est la pièce Up, Up, Up. The Givers. The Givers. Album que tu viens d'acheter, ça l'est pas fait donner. Non, je l'ai acheté. C'est le fun quand je fais une blague en rond. Ça marche pas pantoute. Comme si je la fais en nombre, ça marche pas plus. Non, hein, vraiment pas. Mais c'est quoi l'affaire de « je me suis fait donner »? Givers, Givers, Caroline, le nom du groupe, c'est Givers. The Givers aurait été donné. Hey! Hey! On fâche pas, hein? Yeah, we up, up, up in the clouds. Yeah, we up. Yeah, we up. Yeah, we up. Yeah, we up. Yeah, we up. Givers avec Hop Hop Hop de l'album In Light. Hey, j'ai adoré ça, je dois dire. Là, d'habitude, tu sais, j'aime bien. Ça, j'adore ça. C'est bon, hein? C'est tellement bon. Ça arrive pas souvent, en effet, que tu me dis que tu tripes sur ma chronique. Là. C'est pas tout le temps le cas. Non. La plupart du temps, j'aime bien. Pas quand je fais jouer Janelle Monáe ou ouais. James Blake. Hey, James Blake, c'était le pire, ça. Hey! C'est tellement bon, arrête. Ah, c'est une question de goût, c'est tellement subjectif. Je peux pas tout aimer ce que t'aimes. Faut être dans le mood aussi pour oui, James Blake. Oui, c'est ça. Ça dépend. C'est tellement pas radiophonique en plus. Un matin à 7h30, genre. Avec des gros silences. C'était vraiment de la musique inconfortable. Je dirais, c'est le mot à souci. T'as eu un malaise. C'était pas trop. Non, c'est ça. Pas inconfortable. Bon, salut Sophie. Salut Sophie. À la maison. Ouais. C'était pris un malaise très inside que personne ne comprend. C'est pas grave. Donc, Stéphanie, c'est tout? Oui, c'est tout. Merci pour tes choix aujourd'hui. On rappelle le nom de l'album de Givers. C'est In Light. C'est ce qui vient de jouer. Yes. Très excellent. La pièce s'appelle Hop Hop Hop. Très joyeux. Oui. C'est tout. C'est tout. Tu t'en vas? Oui. Là, tu t'en vas vraiment à Gatineau, là. Yes. C'est la suite de ton histoire, de tes péripéties qu'on a mentionnées tellement de fois à l'émission. On ne ferait pas le résumé au complet encore aujourd'hui. Non, soufflé. Mais tu t'en retournes à Gatineau? Je m'en retourne à Gatineau dimanche. Pour toujours? Pour la vie. Pour la vie. Non, pas pour la vie, là. Pas pour la vie, pour 2 ans. C'est ça, pour 2 ans. Tout ce que tu dis, c'est que tu ne reviendras pas à Trois-Rivières. C'est ça que ça veut dire, finalement. Ouais. Jamais. Ça devrait pas. Bon. Oh. C'est triste, hein? Ça veut dire qu'on ne te reverra pas en studio, ça, là? Non, c'est comme là, la dernière fois que je suis en studio. Mais c'est pas grave, tu vas être en studio ailleurs. Ouais, c'est avec ça. Ta formation. C'est ça. Et sinon, tu vas être ici par téléphone, j'espère. Voilà. T'es bien mieux. Yes. Aussi longtemps que tu pourras, je sais pas que t'aies une clause d'exclusivité ailleurs, là. Mais j'ai hâte que ça revienne le matin, par exemple. Ça va être comme plus simple parce que là, si je me trouve un emploi bientôt, peut-être que jeudi après-midi, je vais travailler. En fait, on te souhaite de trouver une job parce que là, ça fait longtemps que t'en cherches une, hein? Ouais, mais là, c'est pas facile quand t'es à Saint-Angèle de trouver une job puis de passer des entrevues à Ottawa. Tout à fait vrai. C'est un peu complexe. Fait que c'est sûr que j'allais pas me trouver une job cet été, mais je vais travailler là-dessus lundi. Parfait. Donc, tu nous appelleras quand tu voudras. On est ici les jeudis après-midi pour le reste des 2 ou 3 prochaines semaines, je crois. Et après ça, on se retrouve au matin. Good. Quand tu veux. Bonne chance pour ta recherche de job. Oui, bonne chance. Merci. Sur base. Nous, c'est la fin de la première heure de la vie de croisière d'assemblage. D'assemblage retrouve. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. On se retrouve tantôt avec. C'est ça le mot. C'était ça. C'est pour ça que j'ai dit ça. Assemblage requis, on se retrouve. J'ai fait assemblage retrouve. Ah. Ça pourrait être pas. Hey, ça pourrait être une bonne chronique, ça. Mettons qu'on a un chroniqueur qui fait pas de chronique pendant 2-3 ans. À un moment donné, là, on le retrouve. On pourrait faire une chronique spéciale assemblage retrouve, tu sais. Quelle chanson on va écouter, Mathieu? Oui, on va prendre une pause. On revient avec une deuxième heure tantôt. Il y aura, entre autres, dans la deuxième heure, notre ami Simon Fitzbé et sa chronique Le Scout des Internets. Hein? C'est ça? Fait qu'on se assemblage, je retrouve après la pause. Ça pourrait être ça aussi, ça pourrait être un envoi vers la pause. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Bonjour, c'est la deuxième heure de la vie de croisière d'assemblage requis en direct en ce jeudi 11 août 2011. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est Marc-Pierre Lafavourette. Oui, c'était triste de dire au revoir à Stéphanie tantôt. Toutes les personnes avec qui j'anime un jour ou l'autre finissent par s'en aller, puis c'est toujours vraiment triste. Ouais, mais en même temps, c'est toujours triste les départs, mais en même temps, c'est pour tellement une belle aventure. Oui, tout à fait. C'est très, très égoïste de penser que c'est triste. Mais bon, quand même, ça l'est, non? Un petit peu. Oui, oui. Un petit peu. T'as raison. On salue tout le monde avec qui j'ai co-animé à travers les années. Salut, Kiwan.

On vient tout juste d'entendre Wolf and Cub avec la chanson Arts. J'ai bien qu'il fallait que je te fasse des signes. OK, mais... T'as pas d'écouteurs? Non, c'est ça, j'ai pas mes écouteurs. Alors, on a entendu Beastie Boys avec Too Many Rappers qui montent d'une place. Pas grave, ça arrive. Marie-Pierre? Oui? Je trouve que les choses qui sont intéressantes dans la vie sont les choses qui sont véridiques, véritables et vérifiables, n'est-ce pas? Mm-hmm. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on appelle ça « C'est un fait ». Dans la musique. Hein. Musique. C'est un fait. En passant, parenthèse, oui? Avant de commencer la chronique, j'ai appris cette semaine par inadvertance totale sur Twitter qu'apparemment, il y a un site web, un Twitter et un Facebook qui s'appelle aussi C'est un fait et qui parle aussi de choses comme ça dans la vie, des choses inutiles à savoir. Et ça me dérange. Pas de m'être fait voler mon nom. Peut-être que c'est moi qui l'ai volé d'eux. Je sais vraiment pas qui a commencé en premier, mais ça, c'est pas la question. La question, c'est que j'aime pas vraiment ça d'avoir le même nom que quelqu'un d'autre. Moi, pour ma chronique, je trouve ça dommage. Donc, je cherche un nouveau nom pour la chronique. C'est un fait. C'est bien, hein? Donc, je vous soumets ça. Si vous avez une suggestion, écrivez-nous via Facebook en suivant Assemblage Rookie. Si t'en as une, tu peux toi aussi en poster. Je vais y réfléchir. J'aimerais ça. Pas trop de jeux de mots, parce qu'on a pensé à genre faisant ce que tu veux, mais je trouve que le jeu de mots ne souligne pas tellement le mot fait. On verra. On va y réfléchir. On va quand même faire la chronique sous le nom de C'est un fait aujourd'hui. Commençons par Candid Camera. Vous connaissez peut-être l'émission de télé qui, dans le fond, des insolences d'une caméra. Là. Ça ressemble vraiment à des insolences d'une caméra. Oui, un peu les gags. Un genre, peu, ouais. Exactement. Donc, l'émission de télé Candid Camera a commencé cette semaine, le 10 août. D'accord? En 1948, l'émission a commencé à la radio et ça s'appelait Candid Microphone, un peu comme les insolences d'un téléphone qu'il y avait à la radio, je crois, dans le temps, au Québec. Pour 45$, si tu donnes 45$, le US Bureau of Engraving and Printing, le bureau de l'engraveur et de l'imprimage, là, va vous envoyer un sac de 5 livres qui contient 10 000$ en argent déchiqueté. J'imagine qu'à un moment donné, quand les billets sont déchirés ou en mauvais état, ils doivent les déchiqueter. Donc, pour 45$, tu peux recevoir 10 000$ d'argent américain. Mais pourquoi faire? Je sais pas. Pour la litière de ton oiseau, je sais pas. Okay. J'ai aucune idée. Bonne question. Peut-être les recoller. Ah, ben bonne chance avec ça. Bonne chance. Ça a pas l'air fou du tout quand t'arrives avec un billet déchiqueté recollé. Parlant d'argent, c'est très, très déprimant. Dans ce cas-ci, la fée des dents. Oui. Le budget est plus très là pour la fée des dents. Comment ça? En moyenne, une dent laissée sous un oreiller donne 2,60$ américains présentement, comparé à 3$ l'année passée. Ah, mais c'est quand même beaucoup, il me semble. Moi, quand j'étais jeune, c'était 50 sous pour une dent. Ou, Cheap! Bah non, ben t'es non. Content. Quand, ben oui. Dans les années 90, 50 bonbons. Sous pour un enfant, c'était beaucoup. Hein? Tout à fait, là, il y avait encore des bonbons à une scène. Oui, mais non... quand t'en avais 2-3 en un mois, là, ça faisait de l'argent. Hein? Il y a des années meilleures que d'autres pour ça. Il y a des années meilleures que d'autres. Les photographes de la Maison Blanche prennent plus de 20 000 photos, ou non, jusqu'à 20 000 photos par semaine. À la Maison Blanche, les photographes de la Maison Blanche, il y a des photographes attitrés pour prendre des photos du président dans différentes situations. 20 000 D'accord. photos. Où est-ce qu'on peut les voir, ces photos-là? Ah, bonne question. Mm-hmm. Peut-être sur le site de la Maison Blanche, mais j'imagine qu'ils doivent sélectionner seulement les meilleurs. Leur site, c'est whitehouse.gov, si vous voulez... vous rendre whitehouse.gov. Voilà, exactement. Tout à fait. Ensuite, si on y va proportionnellement par rapport à leur poids, les hommes sont plus forts que les chevaux proportionnellement à leur poids. Quand même, hein? Les parents les plus jeunes du monde avaient quel âge selon toi? Je vais y aller avec exagération en disant 9 ans. Ben, t'es exactement dessus. Oh my God. Ils avaient 8 ans et 9 ans. On ne sait pas si le gars ou la fille, lequel avait 8 ou 9 ans. Ils vivaient en Chine en 1910. OK, et c'est pas une blague, c'est vérifié? C'est tout à fait vérifié. Mm. Par qui? Je ne sais pas. C'est beaucoup trop jeune. Beaucoup trop. La peau d'un requin, de whale shark, l'animal de whale shark, peut faire jusqu'à 10 cm d'épais. Ce qui fait que c'est la peau la plus épaisse du monde. 10 cm. Eh ben... Ça en prend beaucoup pour faire une plaie. Hein? Ben, les requins, toujours dans le domaine des requins, sont, dans le fond, c'est l'espèce animale qui vit le plus longtemps. Personne ne connaît exactement la réponse, mais on estime que le requin, le whale shark, encore une fois, je ne sais pas en français c'est quoi la différenciation entre whale shark et juste un requin normal, c'est la plus grande espèce, la plus grosse espèce de requin, peut vivre jusqu'à 100 ou 150 ans, dépendant. Et la plupart des plus petits requins peuvent vivre au moins 20 à 30 ans. Mais je croyais que c'était la baleine qui vivait le plus longtemps ou la tortue. Ben, whale shark, ça me surprendrait pas que ce soit une baleine. Enfin, on va aller voir ça. Whale shark, si tu tapes, est-ce que toi, visuellement, est-ce que tu peux reconnaître une baleine? Bah, À peu près. Pas tant, là. Pas tant que ça. Je sais pas du tout. J'ai aucune idée. Faudrait vérifier. Ouais, c'est ça. En ben, français, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, c'est ça. Mais c'est. Je vais chercher. Je vais chercher. Et on en parlera tantôt. D'accord. On va rester sur le domaine, dans le domaine des requins. La faim d'un requin peut être satisfaite avec un seul bon repas. Le repas peut durer aussi, très très longtemps parce qu'un requin utilise très peu d'énergie pour nager. Certains requins peuvent garder la nourriture dans leur estomac sans la digérer. Et s'ils mangent un gros repas, ça peut durer jusqu'à 3 mois. C'est efficace. Ouais. Parlons de l'espace maintenant un petit peu. La NASA, vous savez peut-être pas envoyer des Lego dans l'espace. C'est tout à fait vrai. Le vaisseau Juno a été lancé le 5 août dernier et à l'intérieur, il y a 3 figurines Lego qui s'en vont vers la planète Jupiter. Naturellement, les 3 figurines Lego sont Galileo Galilei, qui est l'homme qui a découvert les lunes de Jupiter, le dieu romain Jupiter, qui, dans le fond, a donné son nom à la planète, et la femme de Jupiter, Juno, qui, elle, a donné son nom au vaisseau Juno. NASA et le groupe Lego collaborent sur ce projet pour essayer de faire que les enfants aiment la science, dans le fond, pour qu'ils commencent à aimer la science en envoyant des jouets qu'ils aiment bien dans le... Je sais pas, c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux, mais ils veulent intéresser les enfants à la science. Ah! Est-ce que ça va marcher? D'accord! On dirait que je suis pas convaincue. peut-être pas le meilleur moyen, non. Envoyer des vedettes de cinéma ou genre Britney Spears dans l'espace. Britney, pas sûr non plus. on sera débarrassé. Justin Bieber. Ah, ben, Justin Bieber, ça fonctionne. Parce que, OK, j'ai une anecdote par rapport à Justin Bieber. Vas-y. Toujours ouvert à Justin Mon Bieber. Ancienne patronne, on va dire ça comme ça, OK, mais de qui je suis quand même proche, elle a une petite fille, ben, elle est grand-maman, okay? Et pour la fête de sa petite fille, elle lui a acheté un chandail de Justin Bieber à 5$ en se disant, elle voulait ça, OK, je vais en trouver un puis je vais lui donner. Mais le chandail de Justin Bieber à 5$ a éclipsé tous les autres cadeaux parce que quand elle l'a vu, là, elle l'a porté pendant 6 jours de temps. Oh. OK, c'était comme la folie furieuse. Tu sais, à côté, les patins à roulettes, mm-hmm. On s'en fout. C'était le chandail de Justin Bieber, tu sais. Wow. À quel point... Et là, je pense 7 ans. Donc, 7-8 ans, là, ça bat les Backstreet Boys, là, presque. Là. Incroyable. Ouais. Je pensais que quand tu disais qu'elle avait une petite fille, je pensais que tu allais dire que la petite fille, c'est Justin Bieber. Non. Prochain effet. C'est des blagues. Je blague. Très mauvais goût. Un peu comme Justin Bieber. Je pensais que c'était une fille au début. Ben, c'est comme tout le monde. Hein? Ouais. Les babouins sauvages, d'accord, wild baboons, comme les humains, peuvent avoir des chiens comme animal de compagnie. C'est pas ça, hein? Non. Les babouins masculins, les mâles babouins, vont trouver des petits chiots. Ils vont les kidnapper de leur famille. Les petits chiots vont grandir avec les babouins, vont voyager avec eux. Les babouins vont les nourrir, prendre soin d'eux. Ils vont même dormir avec eux et ils finissent par faire partie de la famille des babouins. De l'autre côté, les chiens ensuite deviennent des chiens de garde pour les babouins. C'est comme un peu Romulus et Rémus, là. Les fondateurs de Rome ou je sais pas trop quoi, là, qui ont été élevés par des loups ou je sais pas trop quoi dans la... Non, tu me perds. Tu me perds comme moi, je te perds avec Zubu Mafu. Oh. Zubu Mafu avec le petit singe. Ouais. Savais-tu que le manoir de Lex Luthor dans Smallville et l'école dans les films X-Men, c'est la même bâtisse? Non. Aha! Les films X-Men et l'émission de télé Smallville utilisent le même endroit qui est le Hatley Park National Historic Site à Colwood, en Colombie-Britannique. Donc, au Canada. Le château a été construit en 1906. C'était la propriété privée du lieutenant de la Colombie-Britannique, le lieutenant-gouverneur James Dunsmuir et sa femme. Quand les Dunsmuir, j'ai aucune idée comment prononcer ça, ont vendu la propriété en 1939, ils l'ont vendu au gouvernement. Ça a été converti en collège militaire. Et présentement, l'endroit sert d'endroit où, dans le fond, de musée. Et de Royal Roads University, c'est une université. Mais c'est aussi un plateau pour la télé et pour les films, le cinéma. Donc les amateurs de bande dessinée vont reconnaître la bâtisse. C'est le Luther Mansion, le manoir de Luther dans Smallville. Et c'est la School for Gifted Youngsters du professeur Xavier dans la série de films X-Men. Ça me dit absolument rien. C'est aussi utilisé dans un épisode de MacGyver. Voilà pour cette place-là. Savais-tu, moi je savais pas ça, que les pneus à la base étaient blancs? Non. C'est tout à fait vrai. À l'origine, les pneus d'automobile étaient complètement blancs, qui est leur couleur naturelle. Pas la couleur des pneus quand ils poussent dans les arbres, là. Hein? Mais le caoutchouc là, qui est utilisé pour faire les pneus. Au début du siècle, les pneus Goodyear ont commencé à mélanger du carbone noir à leur caoutchouc parce qu'ils ont découvert que ça augmentait la durée de vie des pneus. Ajouter environ 50% de carbone noir... Je connais pas exactement la formule, là, par poids, en tout cas, augmentait la capacité des pneus de 100 fois. et pour l'usure de 1000 fois environ. C'est la traduire ça. Ça fait plus killer noir que des pneus blancs. Hein? Tout à fait. Et plus facile à nettoyer aussi du noir que du blanc. On s'entend que les souliers blancs, ça dure, ça reste pas blanc bien, bien longtemps. Donc c'est ça, ça empêche aussi la friction à certains points du pneu. Plein de détails comme ça. Et étrangement, les modèles de luxe, les voitures de luxe présentement, il y en a qui ont des pneus blancs. Mais c'est moins efficace, comme on dit. Ça dure moins longtemps, ça salit plus vite. Mais quand tu veux, tu peux payer plus cher pour avoir un pneu moins bon. Si t'as une voiture de luxe. Oui, mais en même temps, quand t'as une voiture de luxe, tu roules pas peut-être tant que ça avec. Tu sais, ceux qui ont des collections, là. T'as laissé dans le garage. C'est ça. Tu le laisses en observation, donc c'est pas grave si le pneu est moins... Ça, j'en reviens pas des voitures pour observation. C'est comme... Ça sert à quoi? En tout cas. Entre 1979 et 2003, plus de personnes aux États-Unis sont mortes à cause de chaleur extrême que... par des ouragans, les éclairs, les tornades, l'eau, là, et les tremblements de terre combinés ensemble. Plus de gens sont morts de chaleur que de tout ça ensemble, entre 79 et 2003. On vient là avec deux autres faits sur l'eau. Hein, c'était un petit peu par association ici. Les larmes ne te font pas te sentir mieux. Des fois, on dit pleurer. Tu pleures, tu vas te sentir mieux. Bien, après, ouais. C'est ça. Les chercheurs ont appris que non du tout. Ça améliore l'humeur que chez 30% des personnes qui pleurent. Une étude sur 97 femmes, d'accord, on a appris que des 1004 fois que ces 97 femmes-là ont pleuré, 61% du temps, ça n'avait pas d'effet du tout. 30% se sentaient mieux après et 9% se sentaient moins bien pire après avoir pleuré. Je sais pas comment ils ont fait pour les faire pleurer 1004 fois, c'est 80... Quoique, ouais, ça doit pas être si difficile que ça. Des fois, je sais pas... Moi, je pleure pas dans les films, mais je connais des personnes qui écoutent un film qui... Il y a une personne qui décède ou... je sais pas trop quoi, là. Bon, il pleure, tu sais. Ouais. Ou même les... Ma mère a mis les larmes très, très, très faciles dans les films. Ça dépend. Je peux comprendre. Ça peut être facile de les faire pleurer. J'ai tendance à plus pleurer pour les moments heureux que les moments tristes dans les films. Ben, je pleure aussi pour les moments tristes, on s'entend, mais... Tu pleures de joie et ça vibre en dedans. C'est ça, c'est ça. Je me sens vraiment, vraiment observé quand ça m'arrive. Et j'ai dit ça à la radio, super. Il nous en reste une dernière sur l'eau. Il y a une chute d'eau au Minnesota qu'on sait pas où l'eau s'en va. Quand elle arrive en bas, on sait pas ça. Elle finit dans un trou, cette eau-là. Parlons-en un petit peu. C'est Devil's Kettle Falls à George C.R. Magny State Park, qui est au nord du lac Supérieur, d'accord? C'est une chute d'eau inhabituelle qui confond les scientifiques encore aujourd'hui. La rivière Brule River se sépare en deux et la partie est descend de 50 pieds. Dans le fond, ça descend à la chute de 50 pieds. Après ça, on ne sait pas où elle s'en va. La chute d'eau en tant que telle, le Devil's Kettle, a un trou au fond, en bas complètement. Le trou fait au moins 10 pieds de profond. Wow! Mais on ne sait pas jusqu'à où ça s'en va, dans le fond, combien de profond c'est. Les chercheurs, si on veut, ont essayé plusieurs affaires, dont mettre du colorant dans l'eau et utiliser des balles de ping-pong dans la chute pour voir si l'eau allait se rendre quelque part dans un autre cours d'eau. Tu sais, les cours d'eau s'en vont souvent dans d'autres. Et jusqu'à maintenant, ça n'a pas fonctionné. On ne sait pas comment ils vont faire pour savoir si ça s'en va où. Bizarre. On va essayer avec une caméra. Oui, c'est ça. S'ils sont capables d'aller dans le... dans nous autres, là. Avec la caméra, ils peuvent balader quelque part là-dedans. Mais j'avoue que 10 pieds, à un moment donné, une caméra plus loin que 10 pieds, tu vois plus où tu t'en vas. Il n'y a pas de lumière, non. Rien, à moins que ta caméra pourrait avoir une lumière. Ben oui, ça pourrait être comme un jeu vidéo. Ben oui. Comment t'en contrôles? Le geek en Mathieu ressort. Je suis sûr qu'on serait capable de faire de quoi. Demandez-le à des geeks que ça va marcher, c'est sûr. Voilà pour la chronique, c'est un fait. Ben, Pierre, c'était où? J'ai appris plein de choses. Ben oui. On va retourner au palmarès anglophone, pourquoi pas. Tout à l'heure, on va entendre Jolie Holland and the Grand Chandelier avec All Those Girls qui monte de 8 places. C'était nouveau la semaine passée. Mais juste avant, en 12e position, c'est Chad Vangelen avec Replacement. Hey, enfin, en tout cas, à moins que je me trompe, là, tu me corrigerais si j'ai tort, mais depuis quelques semaines, il y avait deux pièces de Chad Vangelen dans le palmarès et là, on a éliminé une. Ben oui, je crois que j'ai raison. On a enlevé Sarah pour retrouver seulement Replace Me. Donc, on l'écoute à l'instant. À l'émission La vie de croisière de l'assemblage requis, c'est ça à peu près cette émission-là? Je suis sûr que cet automne, je vais encore l'appeler comme ça l'émission. Quand tu changes de nom à chaque session, c'est que ça passe. assez fou pour l'écouter. 89.1. Vous écoutez La Vie de Croisière d'Assemblage Requis sur C'est Fou. Numéro 11. Go long, yellow mermaid of the southern sea. Open up your honeyed lips and speak Spanish to me. Mi amiga, mi tía y mis primas argentinas. Your dress is wet from the grass, and you give the bottle a pass. Ashes to ashes and gold to gold. The night is over before I'm tired and we grow cold. Motorcycle jacket on a pair of boots from back when all the cowboys of Brooklyn had the blues. When I look into your eyes, I can tell you've been crying. I'm gonna give all my years due after I head off you. A sweet baby Jesus coming out of my hand. I know you told me I tried so hard to understand. Holland and the Grand Chandelier. On aime toujours dire ce nom de groupe-là. C'est la position numéro 11. Ça monte de 8 places. C'était nouveau la semaine passée. La pièce s'appelle All Those Girls. All Those Girls. Avant de continuer avec la chronique Le Scout des Internets de Simon Fitzbé, on va retourner en musique avec un autre bloc de palmarès. Qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi pas? C'est pas pire. Hein? On pourrait entendre, par exemple, je donne un exemple comme ça, disons Gorillaz avec Revolving Doors. En 9e position. Mettons. Et mettons en 10e position Ringo Dead Star avec Imagine Arts. Non, ça me tente pas. Non, c'est pas vrai. Allez, Mathieu. Ouais. En même temps, c'est pas bien mon choix. Là. C'est le palmarès. Hein? Quoique, si c'était mon choix, je le ferais jouer quand même parce que j'aime ça. Celle-là, c'est vrai. D'autres pièces, peut-être un peu moins vraies. Vous êtes à la vie de croisière d'assemblage rue. Faudrait que j'arrête de parler, mon ami. numéro 9. Et Revolving Doors, ça monte de 4 places en position numéro 9 anglophone. C'est sur l'album The Fall. Ouais. On va continuer tout de suite avec une autre chronique. Et avant de commencer la chronique, je vais quand même juste accueillir pour ceux qui voudraient parler, mettons. T'sais, Simon Fitzbé est là, il a le droit de parler, t'sais, mettons. Salut Simon. Bonjour. Bonjour. Justine Renaud qui est arrivée aussi. Bonjour. Si bien vous l'entendez. Marie-Pierre Laforge-Bourret est toujours là. Bonjour. Bonjour. Et moi, Mathieu Plante. Donc, on va faire la chronique littéraire de Marie-Pierre. J'aime ça de gutturale comme ça. Pour ta prononciation, il y a la moitié des profs de littérature qui te reprendraient. Comment ça? C'est pas correct, ça? C'était pas bon? Marie-Pierre? Non, j'ai dit Marie-Pierre. Hein. Ah. Marie-Pierre. Hein. Je crois, à un moment donné, je me suis donné un accent. L'accent de Trois-Rivières. Non. Ouais. L'accent de Trois-Rivières, on va aller prendre la bus puis manger une beigne. Une beigne? Exactement. Boire un cafouille. Une roussette. Donc, Marie-Pierre, tu nous parles d'un excellent un classique, je dirais, oui. Le créateur de Big Brother lui-même. Oui, tu parles. Oui, 1984 de George Orwell. Je n'avais pas encore lu ce classique-là, j'en entendais parler. Bon, je connaissais Big Brother is Watching You. Mm-hmm. Je savais un peu de quoi ça parlait, mais je ne m'étais jamais essayé. Et bon, pendant mes vacances, je me suis dit, pourquoi pas, c'est le moment, c'est là que ça se passe. Mm-hmm. Et, bon, George Orwell, de son vrai nom Eric Blair, donc c'est un pseudonyme. Je sais pas ça. Il est né en 1903 aux Indes. Donc, c'est un... Dans le fond, il vient d'Angleterre. Ses parents, il y a la moitié Angleterre, moitié Indien. J'ai pas exactement tout à fait saisi, mais il est né aux Indes. Et il est mort en 1950 d'une tuberculose, donc très jeune. Mais c'est un homme qui a fait beaucoup de choses. Il était dans la police impériale. Il a eu une existence de clochard parce qu'il voulait devenir un écrivain, mais il avait pas les moyens parce qu'un écrivain, ça vit pas toujours... pas tellement. De son écriture. Les artistes, hein? Oui. Il a été plongeur, il a été maître d'école, il a travaillé dans une librairie, il a participé à la guerre espagnole. Donc, il a fait de tout et je pense que c'est ce qui a formé un peu son œuvre parce que c'est une œuvre qui réfléchit, qui se positionne par rapport à ce qui se vit dans le monde. Donc, ça, on peut le voir dans son livre Animal Farm. Tantôt, on en jasait, moi, puis Simon, parce que, bon, je l'ai déjà lu au secondaire, en anglais, dans un cours d'anglais, mais je me souvenais plus exactement de quoi il était question. Et bon, c'est comme un peu une société à travers des animaux. C'est à peu près ça, Simon? C'est un genre d'allégorie au totalitarisme et au communisme que George Orwell détestait, en fait. L'Union soviétique détestait tout ce qui était communiste, là, pas nécessairement parce qu'il était à droite, mais parce qu'il... considérait que c'était pas nécessairement la bonne voie à prendre et la ferme des animaux est un peu une allégorie justement dans ce sens-là. Oui, donc il y a ça à travers Animal Farm, mais également un peu à travers 1984 parce que dans ce livre-là, qu'on pourrait dire un peu un livre de gauche, il s'en prend à la société qui prône le totalitarisme. Donc il est contre toute société qui vise à faire agir tout le monde un peu de la même manière, à contrôler... un peu à contrôler les sociétés qui contrôlent un peu les gens. Donc voilà. Il dénonce la société. C'est un livre pour une liberté, une sorte d'affranchissement. Et c'est écrit quand même dans un langage simple. Bon, c'est une traduction. Je l'ai lu en français plutôt qu'en anglais. Mais c'est pas un travail excessif sur le langage. C'est facile à lire. T'es-tu d'accord avec moi? Oui, ça se lit très bien, très facilement. Et on passe d'une page à 40 plus loin. Ah. C'est facile aussi. Ouais. Ça se lit vite. C'est comme la vraie émission Big Brother, si ça regarde ça. Non. C'est pas un bon exemple. Un peu meilleur. Hein? Ouais. Donc, Big Brother, c'est l'être qui dirige le parti qui est présent dans le livre 1984. C'est une société, justement, qui vise, comme je l'ai dit tantôt, les gens sont surveillés. Dans chacune de leurs maisons, il y a un écran, un peu un écran de télévision, mais qu'eux peuvent regarder, mais qui les regardent aussi. Donc, ils ont beau être dans leur appartement, mais ils sont surveillés constamment au travail, ils sont surveillés dans leur intimité. Il n'y a pas moyen de penser, même c'est comme il y a une police de la pensée. Faut pas déroger parce qu'il arrive à le savoir. Il surveille les expressions faciales. Donc, c'est toute la question de contrôler ce qu'on ressent à l'intérieur pour pas le montrer, pour faire comme tout le monde. Parce que sinon, les gens disparaissent. Donc, Où vont-ils? Oui. Puis, ça va au point où les enfants, quand ils naissent, par exemple, s'ils naissent dans une famille qui est plutôt... parce qu'il y a un peu trois strates à la société. Bon, il y a les haut placés qui, eux, arrivent à manger convenablement, qui peuvent avoir du chocolat, une ration de chocolat. Moi, ça paraît un peu drôle à dire comme ça. Il y a également la société qui est au milieu, un peu les fonctionnaires dans le livre, qui travaillent pour l'État. Par exemple, le personnage du livre dont je vais vous parler un peu plus tard. Puis il y a également les prolétaires. Donc, c'est les gens du peuple, mais qui, eux, ne sont pas autant surveillés que les fonctionnaires. C'est comme si Big Brother avait une emprise sur la classe moyenne, vraiment forte, sur la classe élevée aussi, mais sur les prolétaires, il n'y a pas question de les surveiller parce que, bon, ils ne peuvent rien faire. Ils n'ont pas assez de pouvoir, ils ne pourront jamais rien faire. Donc, ils ne sont pas intéressants pour Big Brother. C'est les premiers qui se font éliminer dans les premières semaines. Non. Non. C'est pas drôle, Mathieu. Excuse-moi. Donc, dans le livre, c'est question d'avoir le pouvoir sur la pensée des gens, de les surveiller constamment. Et ça, on peut le voir jusqu'à un certain point dans le personnage principal qui s'appelle Winston, et qui, lui, est fonctionnaire pour l'État, pour Big Brother. Sa job, c'est de transformer les journaux. Donc, d'abolir le passé constamment pour conserver la mentalité dans l'esprit des gens. Au fur et à mesure que l'histoire se fait, il élimine ce qui se passait avant. Par exemple, dans le livre, le parti est contre l'Estasia, par exemple, sont en guerre parce que c'est une guerre constante. Et à un moment donné, pouf, ça change pour en guerre contre quelqu'un d'autre, mais ils font comme s'ils avaient toujours été en guerre contre ceux avec qui ils sont en guerre. Donc, ils éliminent l'histoire au fur et à mesure pour pas que les gens se souviennent et pour que ça concorde avec ce que Big Brother dit. Donc, par exemple, s'il a dit la ration de chocolat ne sera pas diminuée cette année et que finalement, il y a une diminution, ils vont reprendre les anciens journaux et changer pour dire exactement ce qui se passe présentement. Okay. Donc, c'est vraiment un contrôle constant sur les esprits. Donc, c'est ce qui se résume dans le livre. Et le personnage principal, Winston, lui, il va un peu contre ça. Parce que, bon, lui, dans sa tête, il est pas d'accord avec ce qui est dit, il est pas d'accord avec ce qui est fait. Il essaie d'aller contre ça, mais comment le faire alors que tu es surveillé en permanence? Mm-hmm. Donc, lui, il va essayer d'échapper à ça. Et c'est ce qu'on suit à travers le livre. Et c'est super intéressant. Mais ce qui est encore plus intéressant dans ce livre-là, c'est que, bon, il a été écrit en 1949, donc après la Deuxième Guerre mondiale, pas mal au début de la guerre froide. Et George Orwell, il a fait une dystopie. Donc, c'est un genre littéraire. Il y a l'utopie, par exemple, Le meilleur des mondes, essayer de montrer dans le futur qu'est-ce que ça pourrait devenir. Ça, c'est une dystopie parce que George Orwell, il a imaginé ce que pourrait devenir le futur, mais c'est le pire des cas. T'sais, lui, il a mis ça au pire de ce qui pourrait arriver. Et des fois, c'est drôle parce qu'il écrit ça en 1949, bon, ce qui allait se produire en 1984, mais il y a des éléments dans ce livre-là que tu te dis, c'est pas tout à fait faux. T'sais, le contrôle que peuvent avoir les médias, le contrôle que peut avoir un peu tout ça. Donc, c'est pas tout à fait faux ce qu'il a dit. Puis c'est ça qui est intéressant. Il a comme réfléchi à ce que ça pouvait devenir au pire des cas, mais on retrouve certains de ces éléments-là. Donc, Québécois, mettons. Exemple comme ça. Mais c'est super intéressant pour ça. Puis moi, c'est ce que j'ai aimé dans le livre. C'est pour ça que je le recommande parce que, bon, tu vois une manière de réfléchir. Tu vois, c'est très, très poussé. Il y a même des parties, tu lis, puis t'es comme, hop là, c'est très, très, très réfléchi. Là. Il a vécu des choses pour pouvoir écrire ça. Oui. Donc, c'est un très, très bon livre. Je vous le conseille fortement. 1984 de George Orwell. Oui. Merci, Marie-Pierre. Je vais faire mon Ted Mosby. Fait intéressant, numéro 32 sur 1984. Il présentait l'utilisation de l'hélicoptère comme quelque chose pratiquement de banal en 1984, alors qu'en 48, ouais, quand ça a été écrit, je pense qu'il y avait seulement des petits prototypes d'hélicoptères qui volaient très mal. Donc, ouais, c'est une des choses. Autrement, as-tu d'autres choses à dire? Non. Mais ça peut. Oui, excusez. Vas-y. Vas-y. Bon. C'est drôle parce qu'on dit que c'est un roman qui est à gauche, ça, c'est vrai, mais dernièrement, dans les dernières années, les gens de la droite, de l'extrême droite économique, utilisent ce livre-là pour démontrer qu'est-ce qu'aurait l'air un pays gouverné par des gens d'extrême gauche. Mm. C'est vraiment n'importe quoi. OK. Mm-hmm. Il y a toutes sortes de moyens de se servir des livres qui sont écrits. Hein? Ouais. Faire de la démagogie avec ça. Ouais. Justine n'a rien à dire sur le livre? Hein? Non, mais non. J'ai lu Animal Farm, puis c'est un livre que j'avais lu de reculons. Finalement, rendu à la fin, je l'ai lu en fast-forward. C'était excellent. Fait que 1984, bon, je suis inculte. Bon, ça manque à ma culture, mais c'est sûr et certain qu'un jour, je mettrai la main dessus. Ah! c'est des blagues. Mais je vais certainement le lire un jour. Là, c'est sûr, George Orwell, il m'avait beaucoup impressionné avec le précédent. Puis, ils volent pas son livre, il y a une caméra juste là. Juste une là. Grosse télé. Mais non, c'est vraiment... non plus, je l'avais pas lu, ça manquait. Puis, je me suis dit, je vais le lire. Je l'avais acheté, je l'avais dans ma bibliothèque. Puis, ça va venir un jour, puis c'est là que c'est appelé. Exactement. Faut pas passer à côté. Et autre fait intéressant, c'est que vous pouvez lire aussi, si vous avez aimé 1984, le livre « Nous autres » de Evgeny Zamiatine. Donc, c'est un livre qui offre aussi une description d'une dystopie totalitaire. Et donc, ça a été un peu inspiré. C'est ce qui a servi à inspirer 1984. Il y a également La Kolakine, donc une dystopie suédoise de Karin Boyd qui a été publiée en 1940, qui pose le problème de la confiance, de la délation, de la trahison des proches dans un régime totalitaire. Oui, parce qu'il y a ça aussi, dans 1984, les enfants dénoncent leurs parents. Mm-hmm. Ils deviennent un peu des espions qui observent leurs parents, puis dès qu'ils peuvent dénoncer, puis d'enfants, ils les envoient à la mort. Là. C'est tout simplement ça, c'est à ce point-là. C'est que les enfants sont formés pour dénoncer leurs parents puis les surveiller. Mm-hmm. C'est spécial. C'est vraiment, vraiment spécial. Mm-hmm. Discussion intéressante ici. Merci encore, Marie-Pierre. Merci à Simon. Merci à Justine. On va prendre une petite pause pour la fin de cette deuxième heure. Tout à l'heure, on va recevoir Simon Fitzbé avec sa chronique Le Scout des Internets. C'est ce qui s'en vient très bientôt et plus tard dans l'émission. On aura aussi d'autres super bons contenus, comme C'est un fait. Mettons, hein? Et puis, Justine va peut-être avoir de quoi nous dire aussi, on va voir. Ah, des crustines! Des crustines! Oh, et Colin, on ramène des bonnes vieilles affaires. Restez avec nous. Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89.1. Tellement de styles de danse différents pour accompagner cette chanson. C'est beau à voir en studio. Bon, retour sur la vie de croisière d'assemblage requis. Alors, ce jeudi 11 août, en direct du SS Requis, toujours avec Marie-Pierre Laforge-Bourret. Oui, moi, c'est Mathieu Plante. On a toujours aussi Justine Renaud avec nous. Bonjour. Bonjour. Et maintenant, on accueille officiellement Simon Fitzbé pour sa superbe chronique que voici à l'instant. On l'appelle communément dans le jargon du domaine, là, le scout des internets. Mm-hmm. Scout des internets. Scout des internets. Salut Simon. Voilà, papa. Bonjour, bonjour tout le monde. Cela va? Oh. Oui, hey, on a plus de compagnie que les dernières semaines. Tout à fait. On est 50% de chaque côté de la route. Mm-hmm. C'est ça. Donc, moitié gars, moitié fille. C'est à peu près ça. Ouais. C'est à peu près ça. Il y en a une tradition que je vois pas particulièrement. Et beaucoup trop de pieds de micro là-dedans. Ah, je suis là, je suis là. Okay. Justine, Marie-Pierre, Simon. Simon, oui. De quoi tu nous parles cette semaine dans ta première nouvelle? Eh bien, je vous parle en fait de Google+, cette île déserte. Incroyable. Est-ce que tout le monde est sur Google+, ici? Qui l'est, qui ne l'est pas? Non, mais non. C'est quoi ça? Quoi? Non, c'est plate, en fait. Non, mais... Oh. Google+, c'est le nouveau réseau social de Google, dans le fond, qui est un peu beaucoup copié de Facebook, mais également de Twitter. Le monde se mélange, hein, ils mettent des hashtags sur Google+. C'est ah, pour drôle. Ça marche pas comme ça là-dessus. Non, ça fonctionne pas. Hashtag, en fait, c'est dièse. Hein, dièse quelque chose, c'est un mot-clé que tu mets et les gens peuvent facilement aller voir tout ce qui se dit sur un tel sujet. Je pense que c'est même pas un dièse, parce que le symbole sur le téléphone, ça s'appelle pas comme ça, ça a un autre c'est nom. Pound. Que... En anglais, c'est pound, mais en français, c'est carré. Il y en a qui disent carré. Carré, ouais, ben, c'est que le dièse est supposé être oblique, tandis que ce qu'on utilise généralement est droit. Donc, ça a deux noms. C'est une question d'italique. Ouais, exactement. Moi, j'appelle ça un ticatagato. Un ticatagato, un ticatagato, un ticatagato. Un ticatacto. Un ticatacto. Non, ticatacto. Appuyez sur le ticatacto. Mais bref, mesdemoiselles, si vous n'êtes pas sur Google+, bien, vous pourriez y aller, parce que moi, Mathieu, on est là, on peut vous envoyer des invitations. Oui, j'ai posté l'invitation sur notre page Facebook. Ah oui? Donc, si vous voulez aller cliquer sur le petit lien. Hein. Ah ben c'est bien, puisque maintenant, on peut inviter jusqu'à 150 personnes en même temps. Donc, ça, ça vaut la peine. C'est 150. Ouais. Nos 150 amis préférés. J'ai même pas 150 amis. Le top 150. Ce serait le fun s'ils faisaient des, pour le cellulaire, un forfait top 150. Top 150, ouais, comme ça, on pourrait appeler plein de gens. Mais bref, c'est que, en fait, on spécule que ça serait probablement la fin également de la période de c'est-à-dire d'invitation pour aller sur Google+. Ça va être ouvert pour tout le monde très bientôt. Mais bref, si ça vous intéresse, vous pouvez avoir une option de 150. En fait, c'est un lien maintenant que vous envoyez aux gens qui peut être donc disponible pour 150 personnes maximum. Il y a un compteur et tout, là, ça descend. Ouais, exactement. C'est très joli. Et c'est intéressant, mais pour des gens comme moi qui n'ont pas d'amis, même dans la vraie vie, ben, ça fait que je suis pas mal tout seul. Ah, tu fais donc bien pitié! Ouais, ben, j'ai un commentaire à faire là-dessus, parce que j'essaie de soit retrouver du monde sur Google+, ou d'avoir des bonnes suggestions de personnes près de moi, et ça me donne tout le temps les mêmes gens qui me... Je ne veux pas blesser personne, mais qui ne m'intéressent pas, en fait. Les gens qui devraient... On n'en pas ça personnel. On ne donnera pas de nom. Toi, t'es déjà mon ami Mathieu. Ça fonctionne. T'es dans mon cercle ami et dans mon cercle c'est fou. Les deux? Oui. Wow. Parce qu'on peut faire des cercles dans Google+. C'est des groupes d'amis. Ouais. Mm. Mais c'est... Jusqu'à là, c'est très intéressant, mais il va falloir plus de gens. Il y a 25 millions de personnes. En fait, au 24 juillet dernier, il y avait 25 millions de personnes. On pourrait estimer ça peut-être à 35. Ouais. Mais si on regarde un petit peu l'historique des choses derrière, tu sais, Facebook, on l'a dit plusieurs fois, c'était très populaire aux États-Unis. C'est ça. Millions. Ça a pris 3 ans et puis c'est arrivé au Québec sur le très très tard. Mm-hmm. Twitter, on s'entend que l'année passée, tout le monde à qui je parlais de Twitter, c'était comme ça sert à rien, cette année tout le monde est dessus. Mm-hmm. Fait Google+, même chose. Là. Ouais. Ça va arriver ici en retard comme tout arrive en retard au Québec. C'est pas plus grave que ça, parce que est-ce qu'on a vraiment besoin d'un autre réseau social? Pourquoi pas vivre dans la vraie vie? Hein? Exactement. Bon, commentaire éditorial. Madame, je lâche la technologie pendant 5 jours et soudainement je me prends pour une autre. Non, ben, autre chose intéressante, les propriétaires de Mac, vous pouvez aller télécharger l'application Google Plus Desktop. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais bref, c'est par les mêmes créateurs que FaceTab pour Facebook. Sur le App Store? Sur le App Store, et oui. Il est dans une période gratuite, donc pour le moment, mais il va falloir payer plus tard, et ça vous offre de voir comme si... J'imagine les téléphones intelligents fonctionnent pareil, vous avez le screen, mais... Donc, à la place d'ouvrir un autre onglet sur votre fenêtre Internet, vous allez juste ouvrir une application à part qui va prendre des ressources à part. Ouais, et c'est impossible de le fermer. C'est ça le problème, j'ai téléchargé et là, je suis pas capable de l'éteindre. fais ton beau petit commande Alt Escape. Hein? Comment Land Escape? Tantôt, on regardera ça. Bon. Mais bref, c'est ça, voilà pour Google+. C'est les nouvelles, parce que c'est pas mal plate. Sérieusement, il se passe pas tant grand-chose que pour ça. Pour un réseau où il y a tant de gens que ça, j'avoue qu'il se passe pas grand-chose. Il y a beaucoup de gens qui écrivent rien, donc c'est ça. Si vous voulez la paix, il faut aller sur Google+. Fermez tous vos comptes, ayez seulement un compte Google+, c'est zen. Oui, mais d'ailleurs, dans les suggestions, on a seulement que des Québécois, des francophones, mais souvent, en tout cas, ça, c'est mon cas à moi, probablement parce que j'ai écrit que j'étais à Trois-Rivières et il y a de la géolocalisation aussi qui est disponible là-dessus. Et Google connaît tout de ta vie, essayé d'écrire que je venais de Bespin comme dans Star Wars, mais finalement, il y a une ville aux États-Unis qui s'appelle Bespin, donc ça n'a pas marché. Puis il y a Teddy Ruxpin, non? Ah? Teddy Ruxpin, c'était un personnage de dessin animé, non? Non. Ça rime. Désolé. Ouais. Si ça rime, c'est que c'est vrai, on sait tous ça. Prochain sujet, s'il te plaît. Oui, Madame Scout des internets dit qu'elle aime pas ça les malaises à la radio. Donc t'aimes pas ça les malaises? Non, t'aimes pas ça? Pour elle? Ma madame à moi? Ah, excuse-moi, ok, ouais. Voyons. Ouais. Non, d'accord, bon. Mais donc, pas en studio, personne ne sait qu'elle existe, là. Fait que salue-la avec son vrai nom, hein. Non. OK. Ben, je veux pas la rendre mal à l'aise. Avec un malaise. Ouais, ah non, Mathieu, fais pas ça. Fais pas ça. OK. OK, non, un petit peu. Trop tard. C'est ça. Ouais. Là, c'est vraiment long. On va couper ça au montage. Mais bref, on reste sur Google. Puisque une requête sur Google vise Android et le moteur de recherche, en fait, comme quoi qu'on les force parce que Google est trop gros et on force les fabricants de téléphones intelligents et de tablettes à utiliser Android plutôt que développer leur propre système. Bien sûr, on sait que c'est pas faux parce que Google veut qu'Android se retrouve partout et leur seul compétiteur, c'est iOS. Mais sinon, c'est quoi WebOS par le Palm? Ça qui est pas très très bon. Avoir des programmes Linux, mais qui sont instables et qui fonctionnent vraiment mal et qui sont très lents. Non, c'est plutôt vraiment Android qui est le mieux placé pour être sur vos tablettes. Mais là, on dit vraiment que Google sert oblige en fait les créateurs à utiliser Android, ce qui serait de la compétitivité illégale, déloyale. Oui, et le président en fait de Google, lui, dénie tout ça. Il devrait passer devant le Sénat américain sur la concurrence sur Internet en septembre. Ils font des Microsoft d'eux-mêmes avec Windows. Moi, dans le genre, mais bon, Microsoft est pas mal moins hot que c'était. C'est beaucoup plus Google maintenant et Apple. Mais bref, c'est vrai, c'est la même chose. Il y a un monopole qui est sur Internet, entre autres avec Google aussi, qui est le seul moteur de recherche. On va dire qu'il y a de l'allure, mais qui est plaisant à utiliser. Oui, j'aime pas Yahoo. Sûr, mais à un moment donné, c'est parce que c'est mérité à quelque part. Là. Je veux dire, Google a fait son bout de chemin depuis un bout. Là. Je veux dire, c'est pas juste une page blanche. Ils n'ont pas obligé vraiment les gens à s'inscrire. Non, effectivement. Non, ça, c'est vrai. Exactement. Et, alors que, tu sais, je veux dire, Windows, oui, venait avec tous les ordinateurs par défaut. Donc peut-être que là, il y a peut-être façon de dire que c'était obligatoire, mais en même temps, t'as jamais été obligé de l'utiliser. T'as toujours eu des alternatives, puisque les gens sont trop paresseux pour aller chercher les alternatives dans la vie. Mm-hmm. Ça, je suis bien d'accord. Et c'est dommage, la toile du Québec n'existe juste plus. Non. Il n'y a pas encore la petite... attends un peu. Ouais, mais la toile du Québec, comme on l'a connue, ça a été revendu, ça a été... Par les catégories, le genre... Tu savais qu'au départ, la toile du Québec, c'était des bibliothécaires qui faisaient des recherches et qui allaient chercher les références sur Internet et qui référençaient les mots que l'on cherchait. Ça, on parle dans 1994. Mmh. Est-ce que tu veux connaître, est-ce que vous voulez connaître, je vous inclus tout le monde, le top 15 des mots-clés les plus recherchés sur la toile du Québec en ce moment? Ah, mon Dieu. Pourquoi pas? Okay. Indice, ce sont pas mal les mêmes depuis comme la dernière fois que j'ai fait ce top-là à CNX, il y a genre 4 ans. Donc, 15e, Google, ensuite Desjardins, LCN, Emploi Québec, Loto-Québec, Accédé, Canada 81, YouTube, Météo Média, Kijiji, Cyberpresse, Hotmail, Les PAC, Horoscope et, en première position, Stable Facebook. Ah, ça c'est moi, Horoscope. Ça, c'est pour toutes les fois que je vérifie mon horoscope, c'est-à-dire bi-quotidienne. Bi-quotidienne, ce point-là. Une fois pour moi, puis une fois pour mon chat. Fantastique. quel signe êtes-vous? Je suis Gémeaux. Et ton chat? J'ai mal dit aussi, j'ai du chat. Oh non! Mais mon horoscope avait dit que j'allais mentir, c'est vrai. Mais je te comprends d'aller sur un engin de recherche pour chercher horoscope, mais si tu vas sur Toile du Québec ou toile.qc.ca pour aller chercher Facebook. Ou Google. Ouais, ou Google. Ça, c'est ma grand-mère. Ouais, c'est vrai. Bravo elle. Il y a des gens qui ont encore du mal à se dire. Son chat, bien la misère. Ouais. Et maintenant, justement... On avait un lien que j'ai complètement scrappé, en fait, parce que Facebook, c'était le prochain sujet. Ah ben. Et oui, et Facebook va être attaqué, en fait, très bientôt. Ça va être la prochaine cible d'Anonymous. Anonymous ou Anonymous. Pas le groupe de musique. Non, c'est ça. Pas Anonymous, Anonymous. En tout cas, anonyme, voilà. qui en fait vont faire une attaque en règle contre Facebook. C'est supposé être le 5 novembre 2011. Ça, c'est comme... C'est comme, c'est comme dans V pour Vendetta. Là. Ouais, annoncer son attaque terroriste à l'avance. C'est ben, vraiment, c'est ça qu'ils ont fait dans V sur Vendetta. Puis en plus, le symbole d'Anonymous, c'est le bonhomme dans V. Ah! C'est un petit peu tiré par les cheveux, mais en fait, les gens d'Anonymous ont dit que c'est pas eux qui vont le faire, c'est seulement quelques membres qui vont s'attaquer à Facebook. Mais j'ai lu ça sur CyberTech, puis je comprends pas. Je comprends pas... Ben... C'est quoi, ils détruisent le site? Ils, qu'est-ce qu'ils font quand ils attaquent? Ce qu'ils veulent faire, bien souvent, ça va être ralentir les informations, ralentir en fait le débit, parce que bon, c'est assez dur de pirater Facebook, parce que c'est... Mark Zuckerberg est très bon en langage Internet. Il y a beaucoup de pirates qui travaillent pour lui justement pour encrypter les données un peu plus, mais il pourrait éventuellement essayer de se rendre dans les bases de données de code aussi d'admission, c'est-à-dire les mots de passe pour entrer, pour essayer de changer ça, les voler, peu importe. Mais ça va être surtout de ralentir le trafic, je pense, qui va être l'objectif premier d'Anonymous, qui se sont aussi attaqués à PayPal, à PayPal, Visa, Mastercard. En fait, ils sont à la défense de WikiLeaks pour la plupart. Et voilà, donc faites attention, dans le fond, au 5 novembre. Allez pas sur Facebook nécessairement cette journée. Non, mais peut-être que Facebook pourrait fermer Facebook pendant cette journée-là. Ça serait assez compliqué. Je pense qu'il y aurait pas mal de freak-out dans les rues si Facebook était fermé. Pourtant, le Apple Store laisse un beau petit post-it jaune sur son site à chaque fois qu'il ferme pour maintenance. Tu sais pas ça? Le Apple Store en ligne, là, quand tu vas sur le site d'Apple, dans le magasin, à chaque fois qu'ils rajoutent un produit, ils mettent le magasin hors ligne avec un petit post-it de retour bientôt. Ah, mais au moins, t'as de quoi t'attendre. C'est-à-dire que s'ils ferment juste pour éviter les attaques, ben les gens vont juste capoter. Ouais. Ouais. Apocalypse Nightclub. Ouais, mais ça pourrait arriver demain matin. Ouais. Qui sait? Maintenant, pour compléter, en fait, faire le tour des réseaux sociaux, maintenant, Twitter rend possible l'intégration des photos directement sur le site. Donc, on n'est plus obligé de passer par TweetPic ou WhiteFrog ou peu importe le système que vous utilisez. C'est malheureusement pas toujours disponible. Pas maintenant, en fait, sur l'application Twitter, sur les iPhones et Mac. C'est long avant que ça se mette à jour, cette affaire-là. Exactement. Il n'y a toujours pas une mise à jour pour Lion, mais bref. Vous pouvez tout simplement prendre la photo et la glisser sur le site. Donc, ça rend ça vraiment très, très, très intéressant. Il y a aussi leur nouveau système de raccourcir t.co de lien t.co t.co donc qui va rendre les tweets beaucoup plus légers et la possibilité d'écrire un tweet en moins de 5 minutes à décider quelle partie de la phrase qu'on enlève. Exactement. C'est un gros défi. Ça. Tu réécris, il manque comme 3 lettres. Donc tu réécris encore, il manque 3 lettres. Et t'abrives en tout. C'est l'enfer. Que de plaisir. Vous êtes pas sur Twitter non plus, mademoiselle? Non. Oh. C'est le fun, Twitter. C'est un fil de nouvelles. C'est très intéressant. Moi, je comprends pas. Tu comprends pas, Twitter? Je comprends pas comment ça marche. C'est pas comme si compliqué. Non, je sais très bien. Faut l'essayer, c'est ça. Ouais, exactement. Faut avoir des amis, surtout, dessus. Ouais. L'essayer, c'est l'adopter. Ah, mais moi, j'ai pas d'amis. Moi, j'ai essayé de suivre 2 personnes. T'as nous autres, là, gars? Hein? J'ai essayé d'écrire à quelqu'un. On peut-tu écrire à quelqu'un là-dessus? Ouais, il faut faire @ le nom de la personne. En commercial, le nom de la personne. Sur le nom d'utilisateur sur Twitter. Ah, et la personne devrait le recevoir. À tu moins que. T'inscris ton chat, ça te ferait un. Ficelle! Maintenant, les kiosques numériques vont-ils tuer les marchands de journaux? C'est ce que l'agence France demande. Et je crois que oui, éventuellement. On dit que, entre autres. Probablement que la presse arrêterait d'être imprimée en papier d'ici quelques années. Peut-être ça se retrouverait sur Internet. Mais en fait, maintenant, on a des kiosques en 3D autour desquels on peut tourner virtuellement pour choisir les magazines parmi 550 sites de presse, entre autres. Et c'est lekiosque.fr, donc c'est une nouvelle française, bien sûr. Pour 14,05$, vous pouvez aller acheter une dizaine de journaux et les recevoir directement sur vos tablettes et ordinateurs. Moi, excellent. Je trouve ça chouette. Ben moi, oui. J'aime ça. C'est super, ça. Parce que ça prend de la place. Mais oui. Surtout quand t'as une blonde qui achète Clin d'œil, Loulou, Elle Québec et autres. T'as bien fait pour dire son nom. C'est-tu la même qui aime pas les malaises? Ouais, ouais. Exactement. Mais là, il y en a un, je pense. Mais on dirait, j'y crois pas que ça pourrait disparaître, les journaux. Ça fait tellement longtemps que ça existe. Non, moi, je compte ça. Ouais, j'adore ça, acheter le journal, me lever le matin, aller chercher et tout. Ça mais sent. Oui, ouais. C'est, et le bruit... Ça le... tâche les doigts. Mais en fait, d'après moi, ce qui risque d'arriver, ça, c'est une hypothèse bien personnelle, mais ce qu'on va garder les éditions de fin de semaine, les éditions du samedi, les éditions c'est celle du que dimanche. Les gens... Tu peux même t'abonner juste à l'édition de la fin exactement. De semaine, puis les gens font ça. T'as. Exactement, parce que la version de semaine, il faut dire que, personnellement, j'aime moins ça, lire ça, parce que j'ai moins le temps aussi. Mais aux États-Unis, non, même au Canada, il y a des jours de semaine où des journaux ne publient pas, ils ne publient seulement qu'en ligne. L'année passée, il y avait un journal qui avait fait ça, les lundis, ils publiaient pas. Ils faisaient le journal. Il montait comme à la normale, mais publié en PDF sur leur site. Ben, ça serait très bien, ça, parce qu'en plus, ce serait bon pour l'environnement. Et voilà. Mais en même temps, parce que c'est tellement un rituel pour certaines personnes, lire le journal. Le matin, tu te lèves, tu prends ton café, tu lis le journal. J'avais un professeur au cégep, il lisait les trois journaux principaux du Québec tous les matins. Là. Qui, ça, qui? C'était Louis Cornelier, c'est un chroniqueur au Devoir, mais il lisait le Devoir, la Presse, puis le Journal de Montréal. C'était comme un rituel. Quand il en manquait un, ça allait pas bien la journée. Il se levait à 3 heures du matin pour lire ça. Ouais, exactement. Mais c'est vrai, non, il y a beaucoup de gens qui sont habitués de se lever le matin, de lire leurs journaux, ça fait 20-30 ans, il va falloir qu'ils s'adaptent ou justement qu'ils changent peut-être de publication, parce qu'un journal comme Le Devoir risque de rester plus longtemps, disons, que la Presse. Le Journal de Montréal, lui, ça il va y avoir une bombe qui va tomber, le Journal de Montréal va continuer à publier. C'est la coquerelle des journaux. Oui, la coquerelle de Montréal. Exactement. Je vais pas le dire, mais je pense que oui. Peste. La peste! Carrément. Ben, les mots croisés sont fous. Ouais. La section publicitaire, t'as comme un beau petit cahier complètement publicitaire, c'est que t'es supposé lire, la personne qui lit ça. Mais bref, vous pouvez déjà, je sais pas, au Québec, est-ce qu'on a beaucoup de journaux, non pas de journaux, mais de magazines qui sont disponibles en PDF, Mathieu, c'est tout? J'en ai aucune idée, je lis pas de magazine, j'en ai aucune idée. Mais en fait, il y en a qui sont disponibles illégalement, on peut dire ça comme ça, mais ça risque de s'en venir de plus en plus légal, justement, d'avoir des PDF de magazines chez soi. De plus en plus illégal? Non, mais il y en a qui sont disponibles illégalement, des gens qui vont scanner le magazine au complet, le rendre disponible sur les torrents, il y en a plein. Ouais, même des magazines du Québec. Ah oui? Oui, quand même, en français, c'est très plaisant, c'est plus le fun. Bon, il y a autant de publicité plate, mais tu peux y passer plus rapidement, surtout avec une nouvelle navigation, comme si tu retournais une vraie page, mais c'est encore plus plaisant sur une tablette ou un téléphone. Tout à fait. Maintenant, on passe au 3D. Oh, 3D! Oui, puisque Toshiba, en fait, lance un ordinateur portatif 3D. Attention, on va commencer à diffuser notre émission en 3D. Attends, comment ça marche? C'est quoi? Quel bouton? Celle-là ici. Ah, tiens, celle-là. Ouais. Et on va vous toucher les joues ou quelque chose, poignée avec la radio. Ouais. Mais bref, c'est le Cosi Mio F750 de Toshiba qui va être lancé, en fait, cette semaine. Il a été lancé cette semaine. C'est un ordinateur portatif qui offre un écran stéréoscopique sans lunettes. Oh. Un peu comme un écran de Nintendo 3DS, mais en format de 15,6 pouces. Mais qui va se vendre? Non, parce qu'il n'y a personne qui l'achète. La 3DS, personne ne l'achète? Avec le prix qui ont baissé, parce que ça se vend pas tant que ça. Ah oui, possible, oui. Mais justement, parlant de prix, eh bien, ça va être environ 1 800 $ pour un ordinateur. Pour un Toshiba, c'est très cher. Mm-hmm. Ouais, Toshiba, c'est ça. Ton écran 3D va être super beau, mais ton lecteur CD va arrêter de marcher après 2 semaines. C'est un Blu-ray. C'est un Blu-ray qui est dessus. C'est un lecteur qui vaut plus cher, mais qui ne marche pas plus. Mais processeur Core Intel i7 2630 QIM. QIM, ça, je ne sais pas c'est quoi. Une NVIDIA GeForce GT540M de Ergo. D'un 1 gigaoctet. Disque dur de 750 gigaoctets. Mémoire de 8 gigaoctets. C'est quand même intéressant. Haut-parleur, blablabla, le restant. USB 3.0 qui est là-dessus. Donc, c'est quand même bien. Et voilà. Superbe, ça. Pour ce qui est de ça. Maintenant, BitTorrent, est-ce que vous utilisez BitTorrent? Ouais. Moi aussi. Je suis pas illégal. Marie-Pierre. Je sais pas c'est quoi. En fait, c'est un logiciel qui permet de télécharger, c'est-à-dire en différents fichiers à partir de différents ordinateurs, tout dépendant, c'est-à-dire un programme qui fait le ça relie les ordinateurs en tant que tel et tu vas chercher des bouts d'informations de fichiers qui va former ton fichier à la fin. Exactement. C'est pour télécharger de la musique et des films. Et OK. Non, je ne télécharge pas de musique ni de films. Ah, donc, t'es chanceuse parce que tu ne seras pas dans les utilisateurs de BitTorrent qui pourraient être poursuivis. Entre autres, aux États-Unis, il y en a eu 200 000. En fait, 201 828 personnes aux États-Unis qui ont été accusées de télécharger illégalement. Là, on parle surtout de films puisque c'est l'industrie du film qui poursuit suit les gens et ça peut aller jusqu'à 150 000 $ US d'amende. Wow. Mais il y en a eu 55 000 qui ont été réglés à l'amiable. On dit qu'on accepte si les gens paient 2 500 $. C'est ce qu'ils veulent, finalement, c'est ça. C'est s'essayer pour le plus gros montant pour ceux qui veulent bien ou qui peuvent le payer. Puis ceux qui on s'entend que 2 500 $, t'as beau télécharger beaucoup de films, au nombre que tu peux en écouter dans une journée, c'est une année de location de films, ça revient à peu près à ça. Ouais. Donc, il ne faut pas exagérer. Mais imagine le pauvre étudiant qui a downloadé un film, puis là, il se retrouve avec une facture de 2 500. Oui, c'est fréquent. Oui, c'est très fréquent. L'année passée, la RIAA, qui est le genre d'ADISC aux États-Unis, ils ont poursuivi une mère de famille monoparentale pour... Je pense que c'était 1,5 million de dollars parce qu'il avait téléchargé une trentaine de tounes. Mm. C'est incroyable. Une trentaine de tounes? Ouais. Oh, comment? Mon Dieu. Comment c'est des milliards de dollars? Non, mais moi, c'est du Lady Gaga. Ouais, ouais. Parle-en à radio. Des cochonneries. Ouais, bonne idée. Parle-en. Quoi d'autre? Mais j'avais pas le droit de dire ça. Ben non, mais c'est... C'est copyright aux autres, finalement. Mais bref, ben, en fait, au Canada, on est chanceux parce qu'il n'y a aucune loi qui régit encore l'Internet et aucune possibilité pour les compagnies de poursuivre quelqu'un qui télécharge parce que tu n'as aucune façon de prouver également que tu as téléchargé illégalement ou même que c'est toi. Et le bon truc, c'est que tu laisses ton réseau ouvert. Tu fais à croire que c'est quelqu'un d'autre. Bon, mais je suis sûr que quelqu'un a déjà sorti ça comme réseau. Probablement. Et c'est probablement pour ça que c'est arrivé, parce que je connais des gens, moi, qui se connectent sur des réseaux non sécurisés pour télécharger illégalement. Ouais. Et quand ils sont sur leur réseau, ils font rien. Bonne idée. D'ailleurs, pour les gens qui pensaient encore pouvoir utiliser BitTorrent à l'université, c'est de plus en plus compliqué. Ben, en fait, c'est ça. La plupart du temps, tu peux pas. Au début, lorsqu'on est arrivé à l'université, ça se faisait. Mais il y a deux sortes de connexions. Même, je pense, juste dans ce pavillon-ci, il y a quelques connexions qui acceptent le BitTorrent et d'autres qui l'acceptent pas. C'est qu'il faut être en filaire, bien souvent, je pense. Ça dépend de quel endroit que le réseau est filaire. Il y a des programmes aussi qui le prennent et qui le prennent pas, mais je les énumérerai pas ici. Puis il y a des façons d'encrypter vos données aussi si vous êtes sur certains logiciels BitTorrent pour empêcher les gens de voir vos transmissions sur Internet. Mm-hmm. Bon. Mais on n'en parlera pas ici. Non. Pas se le faire. Mais vous pouvez faire vos recherches quand vous le voulez sur votre propre temps. Et effectivement. Si on en parle, il faudrait changer le nom de ta chronique pour Pirate des Inc. Ouais, il faudrait faire un spécial pirate éventuellement. Juste écouter la musique piratée, parler de films qu'on a piratés. Rouler nos airs. Rouler nos airs. Je suis pas capable. Il y a des amendes pour ça, rouler ses airs. Il y a des amendes pour rouler ses airs, hein? Justine Renault! Exactement, dis pas ça. Hey, je suis déjà poursuivi pour quelques millions d'or. Ouais, puis on va te poursuivre parce que t'écoutes du Lady Gaga et tu parles sur C'est fou, tu sais. Fais attention, là. Je l'écoute pas. Essaye de faire un party, toi, avec... Tokyo Police Club, ça se fait très bien, ça. Ah, hey, t'as une note, là, j'ai pas écouté encore. Je viens de mettre sur mon ordi. Je l'ai pas acheté en plus. Regarde ça, elle admet en nom qu'elle vient de pirater mon CD. Je l'ai pas piraté, je l'ai emprunté. Puis moi, je t'ai invité dans mon studio. OK. Non, mais c'est de la recherche, en fait. Okay, j'ai fait de la recherche, j'ai comme passé son après-midi à la Ticotexi et d'écouter les disques. On s'ouvre l'esprit et on l'achète par la suite. Ben oui, c'est sûr. Ben oui. Est-ce que c'est tout, Simon? Il en reste 2-3, en fait. Est-ce qu'on prend une pause avant? Ben, pressé, on va en sortir 2-3, puis après ça, on va pouvoir y aller. Okay. Insolite, émeute de Londres, les ventes de bats de baseball ont explosé sur Amazon. Ah oui, hein? Okay. Les gens sont allés acheter c'est-à-dire le bâton sur Amazon. On dit qu'il y a eu une augmentation de 5 000 % des bats de baseball. C'est incroyable. Génial, hein? C'est vraiment... Donc, les gens vont voler des magasins, des petits magasins qui n'ont pas beaucoup d'argent. Ils vont voler des parts de jeans. Mais ils achètent leurs bats de baseball chez les grosses compagnies. Pourquoi ils ne vont pas voler des bats de baseball dans un magasin de sport? Parce qu'il n'y aurait rien pour briser les fenêtres. Mm-hmm. Je vous invite aussi à aller sur le site de Branchez-vous Techno. Il y a 11 sites pour la conversion de fichiers. Donc, si vous avez des fichiers, soit ça peut être des documents en texte, mais également... La musique du film, vous pouvez aller voir donc des fichiers que vous pouvez envoyer donc sur Internet ou même télécharger un fichier qui va le faire pour vous. Ça, c'est très intéressant parce qu'on n'aime pas ça, les flacs. Non, non, on n'aime pas ça, les vraiment flacs. Vraiment pas. Hein. Je comprenais pas trop. Je pensais qu'on parlait encore de bâton de baseball. Convertir les fichiers de bâton de baseball. Apple est devenue la compagnie la plus chère dans le monde. Temporairement. Oui, temporairement, en fait, à cause de la baisse du prix du pétrole et des autres compagnies. Apple est une des seules à probablement ne pas subir les soubresauts de la bourse et de la crise économique. Donc, ils ont dépassé Exxon, qui est SO. Oui, exactement. Et ça a remonté, je pense. Oui, ça a remonté. Oui, exactement. Ouais. Mais donc, quand même, c'est assez intéressant pour Apple. Et c'était la dernière nouvelle rapide Merci Simon. Merci à vous. Merci. Très beau résumé de l'actualité geek. On essaie. J'aime ça beaucoup. Yo. On se retrouve la semaine prochaine. Oui. Oui. Et nous, on prend une petite pause. On revient plus tard avec, entre autres, on va parler de différentes choses, là, de musique, entre autres, hein, de spectacle peut-être même aussi. Je crois que Justine a quelques mois nous glisser sur quelques affaires, j'imagine. Oui, des mots. Des mots? Est-ce que... Gaga. Ouais, c'est ça. Exactement. Je suis une chronique sur Lady Gaga. Il y a un autre track ici, hein, si tu veux ripper d'autres affaires. Hein. Garde-toi, vas-y fort, ma chère. Ouais. On revient. C'est de l'exploration. De l'exploitation de notre station, ça. Mais non! Non, excuse. Vous êtes assez fou pour l'écouter. We have a report from the flight dynamics officer that the vehicle has exploded. Flight director confirms that we are looking at 89. Working with the recovery forces to see what can be done at this point. Marie-Pierre, Mathieu, Croisière, Assemblage, Requis, c'est fou. Vous êtes toujours à la vie de croisière d'assemblage requis en compagnie de tout le monde, là, tout le monde. Simon Fitzbé, Justine Renaud, Marie-Pierre Laforge-Bourret et Mathieu Plante. Allô? Très bel accueil. Non, mais hein? J'ai trouvé une joke à la Mathieu Plante. Bon. Tu sais, quand on parlait de piratage, là, le bateau de croisière d'assemblage requis s'est transformé en bateau de pirate. C'est même pas proche d'être comme moi, ça. Père. Là, c'est vrai, c'était drôle un petit peu. Il a essayé de pirater ton style. Oh! Colin! On est parti, jeu de mots pirate. Attends, jeu de mots pirate, crochet. crochet de pique! Mm-hmm. Bon, on a un petit concours pour vous, pour ceux qui sont encore à l'écoute après ça. Là. On va faire tirer 4 albums ensemble. Nomme-nous, s'il te plaît, Marie-Pierre, oui. Les CD qu'on donne. Il y a entre autres Golden Bombay de Mister Valère. Il y a Novembre est mort de Hôtel Morphée. Il y a également Homeless de Final Flash. Et Tiger Sue de Kate Tunstall. Hey! Donc, 4 CD ensemble. Oui, et on fait entendre pour vous donner l'eau à l'oreille, mettons, la cire à l'oreille. Mm-hmm. la pièce Brandon Marlowe de Mister Valère. On écoute ça. Et vous nous téléphonez au 819-376-5183 pour les auditeurs qui nous écoutent le jeudi. 819-376-5183. Ou sinon, vous pouvez nous écrire sur la page Facebook d'Assemblage Requis. En cherchant, bien sûr, Assemblage Requis, c'est le petit bateau. Oui. Keep me. Bateau pirate, hein? Ouais! Hey! Mister Valère et la pièce Brandon Marlowe. On félicite évidemment notre gagnant des quatre superbes CD qu'on a fait tirer tout à l'heure ici à l'émission. ça avait l'air vrai. Donc, Simon Fitzbé nous a quittés, mais par contre, notre amie Justine est encore là. Ben, quoi qu'elle se promène en studio, elle essaie de trouver d'autres CD à Ripley. Non, c'est pas ça. Je suis là. D'accord. Normalement, tu ferais ta chronique comme à l'intérieur un petit peu de la chronique de Stéphanie. Tu nous amènes des sujets. Oui. Là, dans la chronique de Stéphanie, normalement, tu as le plat favori de Stéphanie. Après ça, tu as les crudités de François Olivier. Tu as le dessert savoureux de Mathieu. Et là, toi, tu avais tes crustines, tu sais. Parce que tu t'appelles Justine. Il y avait déjà quelqu'un avec des crudités. C'est ça. Fait, c'est quoi, moi, tes croustilles? Ah, les croustilles, hein, ça rime pas. Les croustines de Justine. Ouais, les croustines, c'est quoi ça? Ben, c'est des croustilles avec Justine. Des croustines. Ah, OK, c'est pas obligé d'avoir du sens, parfait. Donc, les croustines, mettons, on va appeler ça de même? Sans problème. Si tu viens individuellement sans Stéphanie, on n'aura pas à expliquer tout le concept derrière si on utilise le mot croustine. Exactement. Voilà. Je m'appelle Croustine. Salut, Croustine. Enchantée. Renaud. Croustine Renaud. Croustine Renaud. Ouais. De quoi on parle déjà? J'ai élucidé le mystère pendant le festival. On s'était posé la question: où est le troisième membre de Radio-Radio? Oui! Et j'ai élucidé le mystère via un employé. Ben, ma source, c'est un employé du HMV. Ça, c'est tout le temps super fiable. Oui, toujours. C'est mieux que Wikipédia. Puis lui, il m'a dit: ben, écoute, Justine, il connaissait pas mon nom, fait qu'il m'a appelé Crousté. Il m'a dit, écoute, moi, je crois, selon mes sources à moi, puis lui, ses sources, c'est Wikipédia, fait que là, c'est encore plus... Non, c'est des farces. Mais il m'a dit qu'il était pas mal sûr que ce qui se passait avec le troisième membre, c'est que lui n'est pas à l'aise sur la scène. Si je me trompe pas, c'est Alexandre Bilodeau, pas le skieur acrobatique, là, mais Alexandre Bilodeau... parce que là, eux autres, ils ont genre 3-4 noms chaque, là, en Acadie, là, fait que... lui... ne serait pas à l'aise sur scène. Et parfois, ça lui est arrivé dans le passé de juste comme partir en plein milieu d'un spectacle. Pas partir d'un pomme, là. Non, vraiment quitter physiquement, là. C'est partir à marcher, mais partir du spectacle. Okay. Je pense que, genre, pour éviter ça, ils ont juste dit, ben là, fais juste pas de pointer. Ben, c'est ça. Est-ce qu'il va continuer avec le groupe sur CD, maintenant? Certainement. Là, ils sont supposés, ils terminent leur tournée, disons, Belmundo Regal à la fin 2011 pour faire en sorte que 2012 soit une période de rédaction de musique. Okay. Moi, je dis qu'on rédige la musique, oui. Oui, tu peux. Puis, c'est ça pour nous amener un nouvel album, un troisième album que j'ai bien hâte d'entendre, mais c'est plate parce que c'est le plus cute des trois là, qui a pris le bord, le pauvre petit. Tu sais, visuellement, il était beau, là. C'était le fun de le voir aller, là. Mais c'est peut-être parce que sur scène, il était tellement beau que les filles portaient juste attention à lui, puis bien les deux autres étaient jaloux. Ils ont dit, là, tu vas faire semblant que t'es pas à l'aise sur scène, t'es trop beau gosse. Ouais. Il pourrait juste sortir un petit pancarte de carton avec sa face dessus, lui foutre ça à la scène, puis là. Mais effectivement, ça fait une scène vide, là. Deux personnes qui dansaient, il y avait une trompettiste puis un batteur, mais tu sais, à part de ça, c'était quand même une grosse scène, là. La scène où ils performaient en première partie de Damien Robitaille. Alors, je trouvais ça dommage. Ben, c'était juste la première fois que je les voyais, mais Stéphanie Gagné, a.k.a. Madame Mon Plat Favori, avait été les voir dans le temps qu'ils étaient trois. Puis c'est pour ça qu'on s'était demandé pourquoi qu'il était manquant. Ça, c'était la partie Sherlock Holmes. Oui, c'est Croustine Enquête. Les Croustines Enquête. Les enquêtes de Croustine. Puis, c'est ça, cette semaine, quoi de neuf? Eh bien, j'ai fait l'achat de l'album Sidewalks de Madden Kim. Oh, wow, Madden Kim, c'est bon, ça. Madden Kim, c'est pas mal bon, ça. Avec leur album Grand, que j'avais beaucoup aimé. J'avais été les voir en spectacle. C'était un des meilleurs spectacles que j'ai vu de ma vie, sans blague, là. Eux autres étaient deux, mais remplissaient la scène. Ça a l'air de rien, là, mais il y avait tellement de monde qui faisait du body surfing. J'ai peut-être tombé sans connaissance à un moment donné, recevant un coup de pied en arrière de la tête, puis je m'en suis pas rendu compte, là, mais sérieusement extrêmement chaleureux. Puis l'album, celui-ci, est beaucoup plus... un son plus... pop, disons, enveloppant et plus... pas disponible. Qu'est-ce qu'on dit, là, quand on dit qu'il est... accessible. Ah, c'est beau, bravo, Martha. Merci beaucoup, Martha. Donc, accessible plus aux gens. Un son que j'aime beaucoup quand même, mais un certain moment donné, je me suis rendu compte qu'on n'entendait plus beaucoup le drum de Kim. Kim okay. est downtourné dedans cet album. Mm. Sinon, j'avais fait aussi l'achat de l'album Black Dub, du groupe Black Dub, produit par Daniel Lanois. Je connais pas de Black Dub du tout. Hein? Non, je sais. On a acheté, je vous ai... Vous avez fait écouter une chanson... Il y a quelques mois de ça. Ouais, ouais. Peut-être un mois. D'accord. I believe in you. Vaguement. C'est ça? Ouais. I believe in you. Ouais, ouais, ouais, ça me dit quelque chose. C'est ouais. un peu quelque chose. Finalement, mm-hmm. je me suis rendu compte que le restant de l'album est bon, mais s'écoute pas mal juste plus en background qu'autre chose. Je veux dire, je me concentrerai pas à écouter ça. C'est de la musique pas mal plus smooth, plus African blues jazz. Ça a vraiment une... C'est comme une... C'est mélangé. C'est, ça me fait vraiment penser à être sur un porch à quelque part dans le sud de l'Afrique. C'est okay. bon comme ça, pour un souper bien arrosé avec du café et des affaires de même. J'avais c'est précis quand même comme façon d'aborder l'album, je trouve, c'est bien. Voilà. Non, mais c'est vraiment à ça que vous ressentez à la fin du... En tout cas, moi étant vous, je me vous vois, ça va pas bien. C'est correct. Voilà. On dirait une boîte de céréales que c'est une présentation suggérée, ça. Ah. Ouais. Moi, pas toi, t'as parlé de boîte de céréales. Fait que le son des Sugar Crisps. Oui. Alors voilà, c'était les croustilles de Justine, puis je vais peut-être en revenir. Les croustilles. Croustine. Oui, hein? Je suis croustine. C'est ta chronique prononcée comme faut. Hein? Les croustines. Croustine! Mais si je dis les croustines de Justine, c'est redondant. Je préfère croustilles de l'idée. Justine. C'est comme la chronique littéraire de Marie-Pierre. Mm. C'est comme les ton plat favori de Stéphanie. Ah, fais là, moi, c'est les croustines de Justine. C'est ça, faut que okay. ça rime. Mais faut j'aurais pu dire que c'était la poutine de Justine. Oh! Je pense qu'on a un autre gagnant, là. La poutine de Justine. Parce que c'est un peu n'importe quoi. La poutine de Justine. Mais oui. T'as pas le choix, c'est ça. La Mathieu, il demande que ça rime, mais ses chroniques riment pas en tout avec son nom. Les noms sont super à poche de mes chroniques, c'est ça. C'est, voilà. C'est pas ce que je dis, pas ce que je fais. Poutine, je suis partant. Non, ça rime pas. Poutine, je suis partant. C'est comme le side que tu... C'est ce que t'écoutes quand t'es sous. Ben moi, en tout cas, la poutine, je mange ça juste quand je suis sous. Ah ouais, quand même. Change de vie. Hein. Ah non, dis-moi pas que je vais me faire actionner parce que j'ai dit que je suis sous en ondes, là. Non, c'est parce que t'as dit que tu mangeais de la poutine. Là. Oh non, pas ça aussi. T'as pas l'air de rien faire ici. Censure! Big Brother! Depuis tantôt, 2 millions. Hein? Ça t'en doit beaucoup, là. Excellent! En plus de toutes les chansons que tu viens de nous ripper. Ouais, ouais bon. Non, mais hey, non, je vais les redonner à la fin. Okay. Je les ai juste empruntés. Ah! Bon, super ça. Merci, Justine. On va aller entendre une pièce, ça te dérange pas, de Matt & Kim? Ben, ça allez. Me. Oui, ça va me faire plaisir. Laquelle aimerais-tu entendre? Quel album as-tu présentement? Nomme-moi une pièce, on va voir si je l'ai. Ben, tu parles-tu, mais... J'ai Grand, j'ai Sidewalks, j'ai... OK, t'as les deux. Okay. On va dire une des de leur dernier album, Red Paint, peut-être. Sinon, ça, Wires. Red Paint, je l'ai. Et intense un peu. Watch out, là, les mémés. Watch out, les mémés, c'est ça que t'as dit? Ouais, mais avec plein de respect. Au cas où que ma grand-mère écoute. Oui, oui, on a deux noms. Mais a, ma grand-mère, on l'appelle Mémé à la maison. Ah oui. C'est pas méchant. Fait que c'est un petit surnom, comme. Ah oui, watch out, surnom d'amour. C'est ça. Oui, c'est d'être plein d'amour. On sait qu'on a un grand bassin de personnes âgées qui nous écoutent. Donc, bonjour à vous. C'était la vie de croisière, l'assemblage requis sur C'est fou. Ouais! You're bringing the bar up. Life's not plastic. Let's make some stains. and red paint. Let's make some stains. Let's make some stains. Getting dark. Hands and red paint. Let's make a mark. All of these years you brought me here. You brought me here. I thank you. All of these years that we cut through. Pas mal là. Pas mal là qu'a fini. Hein? C'est pas mal ça. On vient d'entendre Matt Lincoln avec l'excellente pièce Red Paint sur leur album Sidewalks. C'était dans la chronique Poutine. Poutine. Singulier ou pluriel? Ah, parce que les gens qui disent un poutine, c'est ça? Hein? C'est comme les gens qui disent un frite, non? Non, c'est une poutine, là, c'est poutine. Bon. Ben, je sais bien. Ça se dit, les gens, on sait pas les gens. Ah oui, certaines gens. Certaines gens, c'est comment on les appelle. Bon, mais hey, on se fait féliciter pour nos malaises tantôt sur Facebook. Yeah! On a réussi à convaincre quelqu'un que les malaises, c'est une bonne chose. Je pense que c'était de l'ironie. Non, non. Ah, point, malaise. Fallait voir ma face. On va revenir tantôt avec, entre autres, la chronique C'est un fait dans la dernière heure. Il nous reste environ une quinzaine de minutes avant de terminer cette troisième heure ici-là. Donc, on a encore du temps pour du palmarès un peu. Et comme le temps file et qu'on n'a pas beaucoup joué de palmarès depuis quelques temps, c'est vrai, non? C'est vrai? C'est vrai? Oui, c'est tout à fait vrai. On va entendre un autre bloc avec tout à l'heure Man et Knuckle Down qui montent de la 11e place vers la 7e. Et en 8e position, c'est Black Mountain avec Let Spirits Ride. Ah, c'est fou! 89.1 FM. We'll be right back. numéro 7. Est-ce que tu viens de mettre ta gomme sur le coin de ton ordinateur, Justine? Je pourrais être ça. Parce que c'est pas un peu dégueulasse, ça? Non, mais ma gomme, je l'ai mis à peu près partout, ce que tu pourrais imaginer, là. Oh! Dégueulasse. Malaise numéro 102. Yeah, yeah, on va mettre des records aujourd'hui. Donc, c'est la fin de cette troisième heure de la vie de croisière d'assemblage requis. On va revenir tantôt avec une quatrième heure. Dans la quatrième heure, si tout va bien, là. Deuxième partie, c'est un fait. Ça existe, mais ça devrait pas. On l'a. Et quoi d'autre? Moi, je vais vous parler d'un spectacle que j'ai vu, essayer de vous le faire revivre. C'est une surprise? Oh. Oui. Ouh. Mais pour l'instant, on se quitte avec une petite pièce. Oui, une pièce. Je vais la faire passer pour mon amie Valérie, qui vit des moments dans sa vie. Bon, c'est la chanson de Yann Perrault, « Beau comme on s'aime ». Voilà, c'est tout. On écoute ça. Beau moment. Très beau moment, réussi comme moment, tu me diras. Vous, comme on s'aime, Yann Perrault, comment gâcher un moment. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. C'est un robot en panique, ça. Un robot en panne, hein, qu'est-ce que dans ça? Marie-Pierre Laforge-Bourin, Mathieu Plante, toujours à la vie de croisière, l'assemblage requis. On a toujours Justine Renaud avec nous en studio aussi. Hello! Hi, capitaine! Ouais. Dans cette dernière heure, on a beaucoup, beaucoup de choses pour vous. On a le top 6 à vous faire entendre avec, entre autres, Black Lips, Ostra, Atomic Baobab, My Morning Jacket et Ockerville River. On a aussi une chronique avec, avec notre amie Marie-Pierre et que tu vas nous présenter de la musique, c'est ça? Oui. Je vous fais revivre un spectacle. Oui. Voilà. D'accord. Il y a aussi C'est un fait qui s'en vient, donc restez avec nous, genre là, comme maintenant. C'est un fait, ça vous tente-tu, juste là? Parce que je crois que Justine, elle veut s'en aller au plus vite possible. Parce non, que non, c'est pas comme ça. Moi, c'est, je suis en train de ripper votre musique, quand là. Arrête de te vanter de ça, rien. Hein? T'es en train de ripper notre discothèque au complet, là. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Donc, je vais essayer du moins de vous enseigner des affaires. Je me pratique avec l'accent trifluvien que tu voulais que j'aie tantôt. Des affaires. Ouais. Saviez-vous qu'il y a eu un genre de traffic jam, si on veut, hein, Justine? Tu dirais ça, un traffic jam? Traffic jam. Un genre de bouchon de circulation qui a duré pendant une semaine en Chine. Ah, en Chine? En Chine! C'est quoi, ouais. C'est à des vélos, tout... Non. Ring, ring, ring, ring, ring, ring. Oh, c'est grand. Hey. Ça voulait dire quoi, ça? Pousse-toi de là. Ah, d'accord. Avec un accent international français. En 2010, un bouchon de circulation sur la National Highway 110, près de Beijing, a gardé les voitures là, prises dans le trafic pendant 10 jours. Donc, on disait une semaine, pas mal plus qu'une semaine. C'est une semaine et demie, ça, 10 jours, hein, aux dernières nouvelles. Donc, le bouchon de circulation lui-même durait 60 000 de long. En moyenne, les véhicules avançaient d'environ un tiers de mille par jour. Les conducteurs de camions, les camionneurs se divertissaient en jouant aux cartes dans leurs camions. Les magasins locaux vendaient de la nourriture aux pauvres malchanceux pris dans ce bouchon-là. Surtout des nouilles ramen vendues à des prix beaucoup, beaucoup trop élevés. Avec la poudre dans un sachet. Je sais pas s'il y avait de la poudre, par contre. Ah! Oh. Hein? Pas de poudre, y a plus de fun. Oui, en y a fait, pas de poudre. Ils mangeaient cru, hein? Ouais, ben c'est bon. Ben oui. Mais cru avec de la poudre. En même temps, c'est parce que tu sais, t'es dans un bouchon de circulation qui dure 10 jours, donc tu manques de gaz, donc ouais. Ça ralentit encore plus. Ouais. Donc tout le monde doit sentir un peu drôle là, aussi. Ah, en effet. Ou que les odeurs. Ramen and swing. Swing the ramen. Ramène-moi chez nous. Ah oui. Ouais. On devrait pas. Ah, petit conseil, et là je suis sûr que je vais vous apprendre quelque chose. Vous ne devriez pas vous laver les dents après chaque repas. Ah, pourquoi? Ah non, parce que ça va. Défaire ton émail, parce que ton émail est comme tout comme affaibli par l'acidité de ton jus d'orange matinal. Uh-huh. Fait que là, quand tu frottes, ben ton émail il part à la place de se solidifier sur tes dents. Ben, j'ai quelque chose de genre. C'était vraiment, vraiment pas mal dessus. Mais comme après chaque repas, qu'est-ce que t'entends? Une heure après? Ben, c'est exactement après? Ça, voilà. C'est une heure après. On va en parler un petit peu. Donc, normalement... Ah, vous êtes vraiment hot à deux, sérieusement, je n'en reviens pas. Claque dans la main et tout et tout. Donc, selon Colgate, vos dents sont très vulnérables aux dommages de la nourriture et des boissons. Comme tu disais, les nourritures acides et les boissons qu'on consomme, ça adoucit l'émail des dents. Donc, se brosser à l'intérieur de 60 minutes après un repas, c'est pas bon. Ça peut défaire votre émail. Donc, même si se brosser les dents après chaque repas n'est pas une bonne idée, on devrait quand même se brosser les dents 2 à 3 fois par jour. Se brosser le soir est une des plus importantes, des plus importants moments, si on veut, parce que, bon, il se construit des bactéries dans votre bouche qui peuvent endommager vos dents. Se brosser le matin est aussi très, très important pour enlever la plaque qui s'est ramassée sur vos dents pendant la nuit. Techniquement, c'est plus efficace de se brosser les dents après le déjeuner et non avant. Parce que là, si on se dit, bon. Ben oui. Mais par contre, 60 minutes après. Donc, tu déjeunes, une heure plus tard, tu brosses les dents, puis après ça, tu t'en vas. Ça fait un long matin. Et voilà, c'est pour ça que je me réveille à 4 heures chaque matin. Mais Sarah, c'est Sabstein, Sarah, la personne avec qui je vis. On la salue. Oh. On la salue, on la salue. Elle se brosse les dents avant de bouffer. Tu n'as pas dit que c'était pas fort. Ah, ben c'est ça. Ben, j'ai dit t'es pas forte, ben, ça crée une claque. Ah ouais? Oui. Quand même, belle mais vie. Dans tous les cas, se brosser les dents avant de partir pour pas traîner la laine du matin. C'est bon. Sinon, traînez-vous la petite affaire sur le doigt. Est-ce qu'il parle de listerine là-dedans? De rince-bouche? Non. Je pourrais me swoosher la bouche avec du rince-bouche pareil. Je m'amène la brosse à dents pour plus tard. Je le fais avec dans la pause le matin. Voilà, la pause le matin, dans un lavabo, dans une buvette ou dans la gourde de mon ami. Oui. Ta vie va être basée sur ton brossage de dents et l'entretien de tes dents. Oui. C'est bien ça. C'est une belle vie. Le premier album à avoir été enregistré sur un CD, devinez ce que c'était. Attends, mon Dieu, c'est... je le sais. C'est tout, toi. Non, tu vas me le dire, puis je vais être comme... Ah oui, je savais. Vas-y, Abba! Avec The Visitors. Là, Abba? Abba. Abba. Oui, Abba. Sans Ma mère, elle me l'a dit quelque chose du genre. Ça se peut. On salue Linda Renaud. Bonjour, Linda Renaud. Le premier, donc, à être... excuse-moi pour le roulement de Harry. C'est pas grave. C'était leur dernier album studio à Abba qui a été imprimé sur le nouveau format numérique, le CD ou disque compact. J'ai vu des magasins qui disent vraiment DC sur leur section de CD. Je ne savais pas que les gens disaient ça pour vrai. Donc, ça a été fabriqué par la compagnie Philips en Allemagne le 17 août 1982. Donc, ça fait vraiment... ça va faire... on va faire un paquet d'années la semaine prochaine, là, le 17, là. C'est ça. Voilà. Par contre, ce n'était pas le premier album sur disque compact à être disponible à l'achat, par contre. C'est le premier à avoir été imprimé, mais c'est pas le premier à avoir été mis en vente. C'est 52nd Street de Billy Joel qui a fait son début sur CD en 1982, même si le disque avait été sorti à l'origine 4 ans plus tôt. Vous allez adorer ce fait-là et ça va vous mettre l'appétit, là. Un des cafés les plus chers du monde est fabriqué à partir de grains de café qui ont été mangés et puis envoyés par le d'un animal, d'un genre de rongeur. Là. Arc! Envoyé par son... Ouais, c'est ça. Donc, le Kopi Luwak, qu'on appelle le Weasel Coffee, est un café fabriqué à partir de grains de café qui ont été mangés par un animal qui s'appelle le Asian Palm Civet. Le civet mange et digère les grains de café et absorbe la pulpe. Bref, quelque chose là, différentes, je sais pas comment t'appelles ça, c'est comme des baies, ils appellent ça des coffee berries. Je sais pas ce que c'est. Ben, j'imagine que c'est les graines de café. Ouais, genre. Donc, ça sort de l'autre côté et ça reste, dans le fond, visuellement pas mal la même chose, le grain. Que du café moulu. Ben, enfin, moulu, là. Fait que ça digère quelque chose, on ne sait pas quoi. Ça ajoute des choses dans son corps. Ça rajoute. Ça, apparemment que ça réduit la bitterness, le genre de côté amer. Et ça serait vraiment là, un café parfait pour moi, ça. Ben oui, mais ça coûte 3 000 $ par livre de café, le Kopi Luwak. Oui, ça vient des je sais pas comment dire ces mots-là en français, l'archipel indonésien sur des îles comme Java, Sumatra et Bali. Dans les années 1800, les plantations hollandaises, les propriétaires de plantations hollandaises ont banni les fermiers qui ne pouvaient pas ramasser eux-mêmes les grains. Donc, à la place, ils faisaient manger par les animaux qui, après ça, les renvoyaient. Puis, comme ça, ils les avaient pas pris eux-mêmes dans le champ. Mais c'est comme, est-ce que c'est bon ou ils mangent parce que c'est cool? C'est un peu comme le caviar, là. Très bonne question. Et le caviar, j'imagine, est une question de goût. Il y en a peut-être comme ça, je sais pas. Peut-être. Je sais pas. Mais, je sais pas, 3 000 $ par livre, ça commence à être cher de la tasse. Hein? Après, est-ce que tu mets du Coffee Mate dedans? Ça vient gâcher le goût, non? Faut que tu boives noir, hein? Pas sûr. Tu prends-tu du lait qui a été déjà digéré par... Ben oui, c'est ça. Non, mais tu sais, je sais pas. C'est dégueulasse. Ben, du lait, c'est déjà du... Du lait, ça vient déjà d'un intérieur. À chaque heure, savez-vous que 3 000 chiots et chatons sont nés aux États-Unis? Oh. 3 000 par heure. Et ça, c'est une nouvelle triste, en effet, parce qu'à la fin d'une journée, 70 000 nouveaux chiots et chatons sont nés aux États-Unis seulement à la fin de n'importe quelle journée. Par comparaison, seulement 10 000 êtres humains sont nés par jour. Ce qui veut dire que, à moins qu'une personne prévoit avoir 7 animaux chaque, ou encore dans une famille qui a en moyenne 2,59 personnes, devrait avoir 18 animaux de compagnie, il n'y a aucune façon d'avoir assez de maisons pour tous ces chats et chiens au pays. C'est pour ça qu'entre 6 et 8 millions de chiens et de chats sont amenés dans des endroits comme la SPA à chaque année, et 4 à 5 millions doivent être euthanasiés. En plus, il y a entre 60 et 100 millions... je ne sais pas c'est quoi des feral cats. Bref, et le coût par année pour les gens qui paient des impôts aux États-Unis pour se débarrasser de ces animaux-là, c'est environ 2 milliards de dollars que ça coûte par année. Donc, c'est pour ça que Bob Barker dans The Price is Right disait de faire opérer vos animaux de compagnie. Il disait ça, lui? Oui, have your pets spayed or neutered. Ah, mais moi j'ai une bonne action à vous proposer de faire. C'est super facile, puis je le fais une fois de temps en temps. Mais en fait, je vous le dirai pas, mais je l'ai juste fait une fois, mais je compte le refaire. C'est juste que j'ai pas eu le temps récemment. Super. appelé au SPA Mauricie. Mm-hmm. C'est au Saint-Jean, ça? Oui, oui, oui. Dans le milieu de nulle part. Là, en plein milieu de nulle part, là, ouais. C'est vraiment fun. Puis, vous pouvez proposer de promener des chiens ou de vous occuper des petits minous là-bas comme bénévolat. C'est super bien fait. C'est vraiment le fun. Les chiens, ils capotent bien raides. T'as même l'opportunité de ramasser du caca. C'est de toute beauté. Non, sérieusement. Tout le plaisir et les responsabilités sans l'avoir pour toi. Les chiens sont cute à mort. Ils veulent se faire promener. Puis c'est une bonne action. Appelez oui. là-bas. J'ai mais pas le numéro. En même temps, c'est chouette, mettons, pour le monde qui sont en appartement puis qui n'ont pas le droit exactement. D'avoir d'animaux. Qui n'ont pas le temps non plus de s'en occuper, d'en avoir un, puis de mal s'en occuper. Ou c'est mieux qui sont allergiques un petit peu, ouais. puis qui ne peuvent pas vivre nécessairement avec un chien, mais qui peuvent, tu sais, pendant 15, passer des promenades de 15 à 20 minutes, qui sont autorisées. Tu peux te promener 15-20 minutes, là. Tu as fait ta BA, le chien, il est content, toi, tu es content. Quand tu n'as pas les yeux, par exemple, ça, là, ça bon. Quand tu es allergique, tu peux pas. Mais. Continue avec tes faits. C'est une bonne affaire, oui, ça. Oui, je m'excuse. Justine. Merci. Non, mais j'apprécie. Saviez-vous que tous les volcans, tous les diamants proviennent de volcans? C'était comme à l'envers un peu. Tous les diamants viennent de volcans. En fait, la plupart des diamants ont entre 1 et 3 milliards d'années. Ça, c'est cher. Plus vieux que Mémé, ça. Plus vieux que Mémé, ta grand-mère. Hein? Oui. C'est ça. On la salue, elle aussi. Les crayons de plomb, qu'on appelle les crayons de plomb, ne sont pas vraiment faits en plomb. Ça. Ils sont faits en graphite. C'est ça le mot de carbone en français, graphite. Ben, en fait, graphite, c'est la forme de carbone qui est utilisée pour faire ça. Fait oui, effectivement, si tu prends toutes tes mines de crayons, que tu pèses bien fort et tu mets bien de la chaleur, ça va faire un diamant. Ben, watch-toi bien, c'est de l'énergie. Hein. C'est super. Et le mot en anglais pour crayon, c'est pencil. Pencil. Ouais. Et pencil, ça vient du latin et ça veut dire petit pénis. Ah! On apprend, hein? Des affaires, on apprend. Tu penses avoir déjà appris ce que tu avais appris à apprendre dans ce fait-là? Non, il y en a un autre. Hein? Mais voyons, non! Qu'est-ce que ça dit? Okay. 5 des journaux les plus circulés dans le monde sont japonais, selon l'association World Association of Newspapers. 5 des journaux les plus lus, les plus circulés dans le monde sont du Japon. Ah ouais? Ouais. Ils parlent de quoi, genre? De nouvelles de Japon, j'imagine, non? Ça doit être cool. Ça doit avoir plein de chroniques technologiques là-dedans. Que tu comprendras pas. Mais eux autres sont déjà avec des auto-volants puis on sait même pas. Bon, continue. C'est bien caché, je trouve. On parlait de crayon il y a 2 secondes. J'aurais pu le dire en même temps. Tu peux écrire 45 000 mots avec un crayon en moyenne, un crayon moyen. Eh hey boy. Sur une seule ligne, ça ferait 35 000 de long avec ton crayon de plomb. Ça, c'est pertinent. Hein? Vraiment. Même chose pour dire que les gauchers... Qui est gaucher ici? Est-ce que t'es... Non, vous êtes toutes les deux droitières. Oui. Eh ben. Et toi, Mathieu? Droitier aussi. Okay. Les gauchers, donc, ont 50% plus de chances que les droitiers d'avoir un accident qui nécessite un traitement médical. Hein? Je suis pas sûr de comprendre. C'est très vague, ça. Ben, c'est ça, mais ça veut absolument rien dire. Mais qui a fait cette recherche-là? Quelqu'un qui a bien du temps à perdre. Hein? Wikipédia. Les gauchers ont donc 50% plus de chances que les droitiers d'avoir des accidents qui nécessitent une attention particulière médicale. Bon. Avant de devenir artiste, Magritte, vous connaissez Magritte? Oui. Magritte, bon, il était un designer professionnel de tapisserie. Je sais pas. Et ça a l'air de vous impressionner. Et le dernier va peut-être vous impressionner, par contre, c'est le dernier de cette chronique, c'est un fait. Les jus d'orange, 100% jus d'orange, ne sont pas bien nommés. Ce n'est pas vrai. Ils sont quand même artificiels, saviez-vous ça? Saviez-vous ça? Je viens de défaire votre jeunesse, je sais. Attends. Pourquoi? Toi qui est tellement scientifique, explique-nous pourquoi. Y a-tu de l'eau dedans? S'il y a de l'eau, c'est pas la réponse qu'on cherche. Il y a des pulpes. C'est pas exactement non. C'est pas le jus. Ok, je vais vous expliquer. Okay. Donc, dans les années 80, on se rappelle que Tropicana, c'est eux qui ont inventé la phrase « Not from concentrate », tu ne viens pas de concentrer. Ouais. Bon. Donc, pour distinguer son jus des autres jus qui coûtaient moins cher et qui étaient reconstitués avec de l'eau, comme vous avez dit. Bon. Par contre, cette affaire de marketing-là et la différence de prix sont plutôt malhonnêtes parce que le jus pasteurisé de Tropicana n'est pas plus cher à cause qu'il est fait avec des vraies oranges pressées directement dans le carton. Non. C'est que ça leur coûte... Mettons que ça leur coûte plus cher à produire à cause du processus qu'ils utilisent pour arriver jusque-là. D'accord? C'est pour ça que c'est plus cher. Donc, ça explique le prix, mais vraiment, c'est pas du jus 100% jus d'orange. C'est que la méthode pour mettre le jus, pour le stocker, si on veut, dans des endroits différents, pour en avoir beaucoup de jus, comment ils réussissent à garder le jus frais pendant plus d'un an, c'est en enlevant tout l'oxygène du jus. D'accord. Okay. Donc, quand tu enlèves l'oxygène du jus, là, je lis, donc tu me corrigerais si j'ai tort et si tu connais ça un peu. Mais donc, ils enlèvent l'oxygène du jus et ce que ça fait, c'est que ça enlève la saveur naturelle des oranges. Donc, pour que leur jus goûte et sente comme le jus d'orange, Tropicana doit engager des compagnies de fragrances, de parfums pour créer des flavor packs, d'accord, des petits sachets de saveur, si on veut. Qui vont être ajoutés après ça à ce jus-là pour le rendre vendable, si on veut, et goûtable et sentable. Donc, ces additifs-là ne sont pas listés dans les ingrédients du jus, vous me direz, parce que tu lis, c'est jus d'orange, etc., etc. Mais, c'est parce que ces flavor packs-là sont techniquement dérivés de l'orange véritable. Mais voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas à l'écrire, même si ça a été altéré, modifié chimiquement. Donc, de Tropicana à Minute Maid à Simply Orange, ou peu importe la marque, le goût du jus varie de compagnie en compagnie, dépendant non pas des oranges, mais bien de la compagnie qui achète, dans le fond, ils achètent leurs flavor packs d'eux autres. Voilà. On dirait que je suis tellement déçue, là. C'est dommage, hein? Oui. Mais c'est logique, pareil, parce que l'oxygène, dans le fond, va oxyder ton produit. Si t'es une grosse compagnie comme Tropicana ou whatever, là, tu veux en conserver pendant vraiment... Tu sais, tu peux pas, genre, dire... Bon, on a une commande de jus d'orange à Trois-Rivières. Bon, pression, 25 oranges, vite, vite. Tu peux pas te permettre de faire ça. Ils n'ont pas le juicer des infos pub à TV. Là. C'est ça, là, c'est pas ça. Là. Fait qu'il faut qu'ils enlèvent l'oxygène maintenant. Pourquoi que sans oxygène, ça goûte plus rien? Ça doit modifier la composante moléculaire du chose. Mais la chose, c'est que tout... Toute saveur provient de molécules qui sont très, très, très intimement liées à la vraie molécule. Comme nous autres, on a fait un ester de banane dans un cours de chimie. Un ester de banane. Ester, souvent, c'est ce qui donne l'odeur et la saveur à un fruit, un légume, ces affaires-là. Puis, c'est presque la même molécule que dans la chose maintenant. C'est pas exactement la même affaire. C'est pour ça que ça peut devenir un peu dangereux, c'est bon. Mais oh mon Dieu! Big Brother is in the orange juice! Oh no! O.J. Simpson est dans le O.J. Ouais, c'est ça, c'est drôle. Merci, Justine, pour l'explication. Non, c'est pertinent, ça, regarde ça. C'est, elle vient de rajouter quelque chose. C'est pas une explication, mais je suis déçue en tabarouette. Ouais, mon vrai, tout d'un coup, j'ai le goût de me faire moi-même. Mais d'habitude, je bois pas vraiment du jus d'orange parce que Sarah, on salue Sarah, mais oui, bonjour. Elle aime avec les pupes. Moi, les pupes, ça me pogne les dents. Puis en plus, tu peux pas te brosser les dents une heure après. C'est ça. Elle retient tout dans la chronique. Non, moi, je suis retombé dans du Orangina cette semaine et je suis capable, j'aime tellement ça. C'est bon, puis il y a de la pulpe. Je pensais ne pas aimer les pupes, mais. T'aimes pas l'orangina? Oh, j'aime pas les pulpes. Orangina, je sais pas c'est qui, là. On dirait le nom de ma grand-mère. C'est comme une genre. Elle s'appelle comment? Ma grand-mère? Oui, mais. Marie. Bon, je vois la confusion ici. Je comprends très bien. Voilà pour la chronique, c'est un fait. Merci encore une fois, Justine, pour tes superbes explications. Marie-Pierre, Mathieu. Justine nous quitte, je crois. Oui, je vous quitte pour un monde meilleur. Mon auto, Tercel 85, 4 vitesses, bleu marine, plein de poc. Est-ce qu'il y a une radio dedans? Il y a une radio! Donc, tu vas pouvoir que c'est fou? Ouais! Donc, tout à fait, c'est un monde meilleur, c'est vrai? Ah ben, je vais vous écouter, vous donner que ça donne, puis dire, donc, toi, tu mets ta bouche vis-à-vis du micro comme ça, fait que si toi, tu sonnes comme ça, puis moi, je mets ma bouche comme ça, mettons, je vais m'écouter à la radio, puis ça sera pas pareil, hein? Tout à fait, sauf que vu que t'es dans l'auto, tu pourras pas t'entendre, hein? Non, mais je vais savoir au moins que ça sonne bien quand tu fais ça, fait que je vais apprendre de mais tes posers. Mais tu verras pas ma tête, là, tu verras pas où est-ce que ma tête par rapport à mon... Ça se tient pas du tout, ton affaire. C'est vrai. Vous étiez pas diffusé, supposé diffuser en 3D, là? Ouais, attends, j'avais refermé le bouton depuis tout à l'heure. Ah, ben c'est ça! Ah! Je vais vous voir. Bon, à la prochaine, Justine, merci. Ben oui, à la prochaine. Bonne semaine! Nous, on va retourner à notre bloc anglophone du palmarès. On va entendre un bloc de 3 pour avancer les choses un peu. On va entendre tantôt Atomic Baobab et My Morning Jacket, mais on débute en 6e place. En 6e place avec Miracle, Fortress et Everything Works. Vous êtes à la vie de croisière d'assemblage requis sur C'est fou. Hey, le 3D est particulièrement réussi, hein? Même pas besoin d'écouteurs, mettons. L'analogie marche pas vraiment. Come back to me. numéro 5. Marie-Pierre et Mathieu vous montent bateau. Vous écoutez la vie de croisière d'Assemblage Requis. Numéro 4. Merci. Atomic Baobab et Foxtrot Uniform stable en quatrième position. Avant, c'était My Morning Jacket et Holding On to Black Metal qui monte de trois places. On écoute tout de suite Huckerville River en troisième. Voici Wake and Be Fine. Yeah. numéro 2. Black Lips avec Modern Art en position numéro 2, ça monte d'une place, c'est sur l'album Arabia Mountain. On vous garde le numéro 1 pour plus tard. Oh oui, qu'on vous le garde pour plus tard, parce que Marie-Pierre va nous faire entendre un petit bloc musical qui va nous remettre dans l'ambiance d'un spectacle qu'elle est allée voir. Tu veux dire ça? Oui, vendredi passé, dans le parc de la Mauricie, il y avait un spectacle gratuit. C'était Patrick Watson and the Wooden Arms, avec deux autres groupes, il y avait Timber Timber et les Bar Brothers. C'est un groupe que je connaissais absolument pas. Il y avait un des deux membres du groupe qui était là. Okay. Et c'est un spectacle gratuit pour fêter le 100e anniversaire du parc de la Mauricie. Donc, l'idée de la conservation, de ne pas être touché, bon, garder l'état naturel. Et c'était pour fêter ça. Mais c'était dans un endroit tout à fait charmant, on va dire ça comme ça. C'était, bon, c'est l'air à pique-nique. Moi, je ne connais pas beaucoup le parc de la Mauricie, mais ceux qui le connaissent un peu vont probablement savoir c'est où. C'est l'air à pique-nique et il y avait une scène de monter là-bas. Et, bon, il y avait une dizaine de musiciens sur scène. Parce que, bon, Patrick Watson sont à peu près 4, plus les personnes qui jouent du violon, violoncelle, donc 5, 6, 7, Timber, Timber. Il y avait le membre de Bar Brothers. Donc, il était toujours environ une dizaine de personnes sur scène. Donc, t'es installé, t'attends que le show commence, assis sur une chaise, en train de déguster un pique-nique. Et là, tu vois la tonne d'instruments sur scène et c'est impressionnant. Parce qu'il y a des micros, il y a plein de micros, plein de guitares. OK, c'est quelque chose. Et bon, le spectacle commence et c'était une alternance entre les chansons de Patrick Watson, de Timber Timber et de Bar Brothers. Mais la fin qui était, ce qui était intéressant, c'est que c'est pas, par exemple, Patrick Watson jouait une tune de Patrick Watson et là, après ça, il sortait de scène et Timber Timber, c'était à leur tour, ils jouaient une chanson. C'est que tout le monde jouait les chansons de tout le monde. Mm-hmm. Donc, par exemple, Patrick Watson chante une chanson de son dernier album, par exemple Benjing, et il joue la chanson, mais tous les membres, tous les musiciens participent à la chanson. Donc, ça fait beaucoup d'action et c'est que ça ajoute quelque chose parce que, par exemple, Patrick Watson va chanter sur une chanson de Timber Timber, il va faire des « bon, comme il sait bien le faire, là. Ouais. OK? Donc, ça rajoute un petit quelque chose à la chanson puis ça rend ça vraiment, ça avait vraiment quelque chose de magique. Et les éclairages qui venaient ajouter à tout ça, bon, le spectacle a commencé, le soleil commençait doucement à se coucher. Donc, quand il fait noir, les éclairages étaient vraiment beaux. C'était en pleine nature, t'es assis sur une chaise, la température était parfaite. Et ce qui était beau avec le site, c'est que, bon, il y a plein d'arbres, des grands arbres, et il avait installé des lumières en bas des arbres. Donc, ça projetait sur les arbres. Les arbres étaient éclairés, ils passaient d'une couleur à l'autre. Et ça, bon, il a fallu que quelqu'un me le fasse remarquer. Pour que je le vois parce que j'étais tellement absorbée par le spectacle, mais c'était tout simplement le genre de spectacle que tu veux pas qu'il termine. Ouais. Genre, jamais. Tout le monde, je suis sûre, aurait passé la nuit là-bas, assis à regarder Patrick Watson, Timber Timber, de les Bar Brothers. Puis ce qui était le fun aussi, c'est qu'ils ont essayé plein de choses pendant le spectacle. Par exemple, à un moment donné, Patrick Watson dit « J'ai le goût d'essayer quelque chose, on va garder un micro. » Et ceux qui chantent dans la chanson vont venir se grouper autour du micro pour jouer la chanson. Donc, ça faisait quelque chose de très, très intime. Mm-hmm. C'était assez expérimental. Donc, il l'avait probablement jamais essayé. Il s'est dit « Voilà, c'est à soir que ça se passe. » Et non, ça avait quelque chose de vraiment très unique. C'est pas le genre de choses que, d'après moi, ça va pas recommencer. C'était un moment unique, un événement unique, j'en suis pas mal certaine. Et en plus, Patrick Watson était très, très charismatique. Tu sais, il était un peu sur le party, là. Bon, tu t'imagines, bon, pendant l'après-midi, il en a peut-être profité un peu. Probablement. Mais il riait, il a essayé The Great Escape avec un orgue. Il a vu que ça fonctionnait pas, il a dit « That's ridiculous ». Là, il est allé au piano. Ils ont essayé de faire des bruits avec, tu sais, les vélos pour enfants, mettons, de 4 ans, là, mm-hmm. avec deux petits trous, là. Ouais. Il y avait un « pum pum » après le vélo, okay. là, un genre de sonnette, klaxon. Genre, ouais. Et bon, il s'est mis à jouer de la musique avec ça. Il a monté un vélo sur scène, pum, pum, pum, dans le micro. Et non, c'était vraiment un spectacle. Je retournerais voir Patrick Watson n'importe quand. Je retournerais voir Timber, Bar Brothers, que je connaissais pas. J'irais peut-être pas les voir personnellement, mais les gens avec qui j'étais ont vraiment aimé ça. Donc, c'était un événement unique. Et j'ai le goût de vous faire revivre ça en vous mettant oui. quelques chansons qui ont joué pendant la soirée. Évidemment, c'est pas la même chose que le vivre avec tout non. le monde derrière. Mais j'ai le goût de partager un peu parce que c'était vraiment un très beau moment. D'ailleurs, si vous avez la chance d'aller voir Patrick Watson en spectacle, j'étais déjà allée avant à Shawinigan et c'est magique. Il n'y a rien à dire d'autre. Ça a quelque chose de... C'est complètement... J'en parle puis j'ai le c'est son. Bouleversant. Ouais, c'est vraiment beau. OK? Mm. Donc, si vous avez la chance d'aller voir ça. La première chanson que je vous fais jouer, c'est Benjing sur son dernier album Patrick Watson and the Wooden Arms. Et pendant cette chanson-là, ils ont jammé parce qu'ils l'ont fait à quelques reprises. Donc, je pense que les tunes pendant lesquelles ils ont jammé, c'était les tunes qui ont été beaucoup, beaucoup appréciées par le public. Donc, je vous fais jouer celle-là. Ensuite, ça sera suivi d'une tune de Timber, qui est Bad Ritual, qui ont joué aussi pendant le spectacle. Et ensuite, de Big Bird in a Small Cage, de Patrick Watson, qui était joué justement autour d'un seul micro par quelques personnes. C'était intime. Donc, je vous fais jouer ces trois chansons-là. Thank you. feels a head on the bed. Clock has stopped ticking, nothing remotely romantic has been said. Let's not pass on the steps, let's take the season very easy. Let's take pills, salt water, let's keep looking ahead. It's a bad, bad ritual, but it calms me down. It's a bad, bad ritual, but it calms me down. There is history in pictures. There is evidence in boxes. There is proof of your love for him long after it's dead. And every creak and trigger, I will think of you with buzz I could not smother out. That fire in my head, and I saw your levitating chair. I found your long blonde hairs. I felt your poltergeist present in the frame of the bed. Every creak is a trigger. I will think of you with others. I found depravity convinced me I may no longer care. It's a bad, bad ritual, but it calms me down. It's a bad, bad ritual, but it calms me down. It's a bad, bad ritual, but it calms me down. Alors, on vient tout juste d'entendre Big Bird in Small Cage de Patrick Watson, juste avant Bad Ritual de Timber Timber, et juste avant Bad Ritual, c'était Binging de Patrick Watson. On vient de reconstituer un spectacle. Oui, mais bon, un spectacle, une partie. Là. Oui, oui. C'est quelques chansons qui ont été jouées pendant le spectacle de Patrick Watson. Spectacle gratuit donné dans le parc de la Mauricie, vendredi dernier. Et comme tu disais, ça valait beaucoup la peine d'y aller, et ceux qui ne sont pas allés ont manqué leur chance. Oh oui, en plus c'était gratuit. Là. Allô, trois groupes pour... Bonjour! Pour bien, qu'est-ce que tu fais là, tu y vas pas? Merci Marie-Pierre. Mais de rien. C'était une très bonne émission qu'on vient de passer ensemble. On va se retrouver la semaine prochaine, jeudi, entre 13h et 17h pour une autre édition de la vie de croisière d'Assemblage requis. Comme je disais, bon, donc jeudi, 13h à 17h, c'est en direct. Ce qui nous suit, c'est la sécheuse suivie de la spirale. Alors, on est le samedi aussi en rediffusion à partir de midi. Et puis à 16h, ce sera C'était fou, l'émission que j'anime, rediffusion de la série 1. Et on repart au début de la série 1, donc troisième ou quatrième diffusion de ça. Et puis le lundi, on est entre 15h et 19h. Ce qui nous suit, c'est La Sécheuse et puis Rock Révélé. N'oubliez pas d'écouter Simon Fédibé avec ses différents trucs là, partout. Là, je crois qu'il ne fait pas d'émission ce soir, mais demain peut-être. Sinon, ben, la semaine prochaine, on écoutera... Qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine? Est-ce qu'on refait le francophone? Il nous reste encore... c'est le même palmarès pour le reste du mois. Donc on vous réserve des surprises. Ouais, mais on va quand même vous faire jouer le numéro 1 anglophone de cette semaine. Et c'est certainement. Ça que tu allais me faire signe, hein, si tu appelais ça. Attends, il faut faire les jeux de mots avec ça. C'est les jeux de mots. Attends, j'en ai absolument pas. Pour moi, ces jeux de mots-là, ça me bouleverse, ça me met à l'envers. Quel pays déjà qui est à l'envers de nous autres? L'Australie. Ben, c'est ça. Austra. Parce qu'il n'y a pas de jeu de mots avec Austra, tu sais. Il n'y en a pas. Ouais. Beat and the Pulse non plus. Hein, c'était... Ouais, non. Donc, le numéro 1 est Austra avec Beat and the Pulse. Allons l'écouter. C'est sûr que quand on fait un jeu de mots puis qu'on peut pas l'expliquer par la suite parce qu'on reviendra pas après la toune, c'est bon de l'expliquer tout de suite. T'as bien fait ça. Bonne semaine, tout le monde. Bonne semaine, Pierre. Et vous aussi, les requins. Bye.